Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Actuellement au cinéma. Bon, juste pour prévenir les gars là. Je vais à une soirée après l'émission, hein, je vous le dis direct. Je peux venir? Oh non, laisse tomber Toff, il va pas te laisser rentrer, c'est tenue correcte exigée. Moi, je veux bien y aller, moi. Non, Jack, tu vas saouler tout le monde avec tes histoires. Moi, je suis chaud. Roux, le verre, il est à 10€, tu vas pas vouloir les lâcher. Eh ben, le mieux, c'est que j'y aille seul. Au fait, Sandro, tu vas pas pouvoir y aller, hein? De quoi? Bah, j'ai le flyer sous les yeux, c'est une soirée glamour et sexy. Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve 3 fois le monde, 2 fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir. Y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël et sa bande de terroristes. Mickaël, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Ah oui, je confirme. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le site a mis on air, nous avons démarré. Ah, c'est bon, voilà. S'il a mis on air, on est bon. Voilà, s'il a mis on air, effectivement, on est bon, il n'y a pas de problème. Bon, il y a tout le monde. Il y a du monde, j'ai démarré là. Il y a du monde déjà sur le site, sur le chat, tout ça, ça fonctionne. La webcam est là, elle fonctionne aussi, c'est magnifique. Et juste pour info, il y a juste un 0,5 secondes de retard par rapport à la réalité. Ça va. Donc ça va, quand vous nous voyez, on est vraiment, enfin on bouge vraiment, pas comme avant où il y avait 3 jours de retard quoi. Mais c'était bien parce qu'on pouvait faire des trucs, et en fait on croyait qu'on était encore là, mais en fait on était déjà rentré. C'est juste pour dire. Bon, il y a Louis qui est dessus, il y a Julien, il y a Boris, Florent, Sébastien et tous les autres, mickaël.fm si vous voulez venir discuter avec nous comme d'hab. Bon, donc bienvenue pour la 3ème émission de cette saison, soit la 1093e au final, hein, je pense, un truc comme ça. Donc de cette semaine, de cette nouvelle saison, plus que 190 jours, c'est 198 jours, et c'est les vacances, hein, et ça va arriver. Oui, bah on attend. Mec, il décompte. Bon, vous m'avez envoyé plein de messages et de mails cette nuit via le site sur mickaël.fm pour qu'on repasse les extraits de Winnie l'ourson. Ah, et ça oui. Fait plaisir. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, sachez que vous avez raté une grosse émission. Ouais, il faut le dire, clair. il faut le dire. C'est pour Winnie que tu dis ça? Aussi, ouais. Donc voilà ce que vos enfants peuvent entendre à 7h25 du matin, quand bien même ce serait le soir, ça resterait tôt quand même, sur TF1. Ça me ferait plaisir de partager ma queue avec toi, Darby. C'est très gentil, petit gourou. Donc ça, c'est Winnie l'ourson. Hein. Au moins, tu sais quoi faire si ton gosse te demande comment on fait les bébés. Ouais, devant TF1. C'est ça, ouais. Mais ça marche pas, ça marche que dans le monde des bisounours. Le monde merveilleux des bisounours. Même. Et quoi, dans les bisounours aussi ils parlent de queue? C'est, ouais bah je sais pas. Ils ont dit queue, les bisounours? Je sais pas en fait. Pour ouais, sauter, moi je suis très intrigué par la vie sexuelle des barbes à papa. Je sais pas comment ils se reproduisent. Bon, écoute, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, ce que vous avez préféré, c'est la chanson. Et bien évidemment, on vous la repassera tout à l'heure. La chanson des queues de Winnie l'ourson, bien sûr. Bon, on parlera aussi de cinéma puisqu'on est mercredi. C'est le jour des sorties ciné. On fera donc le tour du box-office pour connaître les films qui cartonnent et puis ceux qui ne marchent pas. J'ai vu, là, il y a un film qui va marcher, ça c'est sûr, c'est Avatar. Albatar. Non, c'est Avatar en gros, c'est le dernier film de James Cameron, donc le réalisateur de Titanic. Il y a un film qui marche bien par contre, c'est Neuilly sa mère. Alors on avait reçu les acteurs du film avant les vacances, faut croire que c'est un peu grâce à nous. Ouais, c'est surtout grâce à toi Mike. Merci, mais tu as raison, faut que j'arrête d'être modeste comme ça. Non, c'est vrai, hein. Non, franchement. Bon, on fera un petit point là-dessus tout à l'heure. Et bien évidemment, je peux vous l'annoncer, le grand retour de la rubrique que vous attendez tous. Je n'en dis pas plus. Ça restera le mystère, suspense. Bon, en attendant, on se fait le répondeur. Vous nous avez laissé des messages tous les jours, comme d'habitude, pour nous dire ce que vous avez kiffé ou pas aimé pendant la journée. On diffuse tout ça et on choisit le meilleur qui repart avec un cadeau. On écoute maintenant ce que vous nous avez laissé comme message au 01 40 71 3400. Premier message portant la mention « Urgent ». Ouais, salut la team. Bon voilà, je m'appelle Christian, je suis chômeur, je viens de papa. Et tous les matins, je regarde les dessins animés avec mon fils de 4 ans. Forcément, en tant que parent, j'ai un peu été interpellé par votre truc sur Winnie, là, les messages subliminaux, tout ça, la petite qui cherche sa queue. C'est osé quand même, hein. Enfin bon, du coup, je voudrais votre avis. Vous pensez que c'est pire, un épisode de Winnie ou un épisode du Bank Tour? Hein, parce que j'ai rien sympa avec Clara Morgan qui se fait charger par un routier à Besançon. Enfin voilà, comme ça je gagne du temps et j'ai pas besoin d'attendre qu'il soit à l'école le moutard. Hein. Alors? Fin du message. Message suivant. Alors c'est Jérémy. Paris est magique. Paris est magique. Paris est magique. Non, je plaisante. Fin du message. Ça c'est nul. Message suivant. Je suis d'accord. Oui, mais ça, je vous kiffe. Je contente de votre entrée. Fin du message. Ah, c'est pas la même, là. C'est la vénère l'année dernière. Putain, les gars, hier, j'ai regardé le dernier épisode de Mon Incroyable Fiancé. Je me suis trop marrée. C'était excellent. Je trouve que ça véhicule un bon message pour les homos. Par contre, je me pose une question. Il y a un truc que je comprends pas. C'est qui la tapette dans l'histoire? Fin des messages. Au revoir. Bon, on va qui on va faire gagner? Alors, qui on ne va pas faire gagner ce pari magique? Ouais, c'était nul. Hein, je pense qu'on est d'accord sur le coup. Sinon, il y a le premier qui avait quand même recherché pas mal. Ouais, le premier, ouais. On va faire un Morgan pour premier. Ça, je pense qu'on peut le faire gagner. Voilà, bon, en tout cas, je sais pas comment tu t'appelles, celle qui a laissé un message à propos de mon incroyable fiancé. Ouais, mais par contre, elle avait une bonne voix de coche. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on y reviendra tout à l'heure là sur mon incroyable fiancé, puisqu'on a regardé et on peut vous dire qu'il y a de bonnes répliques. Hein. Hier, les deux candidats devaient donc se marier. Attends, devait se marier de devant leur famille en fait, et c'est pas facile de dire oui quand ton père te dit sa gueule. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a pas que des insultes et de la haine dans l'émission. Mais non, ça casse les couilles. Ah, si. Ah bah si, ouais, finalement. Ouais. Bon, on va quand même garder le meilleur pour tout à l'heure, bien évidemment. Ouais, mais tu peux me sortir le son pour mon iPhone, Jack? Lequel? Sa gueule. Ah oui, bah, celui-là c'est parfait, ouais, très bien, y a pas ça de rien. Y a pas de souci. Tiens, en parlant d'iPhone, j'aimerais bien aussi qu'on en parle si on a le temps. J'ai lu que ça avait été un carton pendant l'été, hein, le 3GS, tout ça qui est sorti, une tuerie apparemment. Beaucoup de Français aussi d'ailleurs sont entrés dans la communauté de l'iPhone. Peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, un peu trop de Français même, puisque depuis quelque temps en fait on voit à la télé qu'ils explosent dans tous les sens, un truc de fou. Voilà, exactement. C'est arrivé à un mec en fait qui, pendant qu'il tapait son message, a vu son écran se fissurer. Ah. Du coup, bah on a inventé une application qu'on vous fera écouter tout à l'heure pour les écrans qui se fissurent, tout ça, etc. Putain, vu le prix de l'iPhone, ça fait chier quand même. Ouais, je te confirme, ouais. Mais après, faut prendre la petite assurance. Ouais, mais elle est chère aussi. Mais il garantit, c'est pas l'écran. Je sais, oui, peut-être. Je sais pas si garant. Oui, je pense, ouais, mais ça dépend comment après. Mickaël, le podcast. Et comme tous les mercredis, c'est le jour du cinéma. C'est bien. Waouh. Ouais, ouh là, merci Roux. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le nouveau film de James Cameron, là, Avatar, qui sort en décembre, et ça a l'air d'être très puissant au niveau des effets spéciaux. Ouais, mais j'ai vu la bande-annonce, et a priori, c'est le film qui a coûté le plus cher de toute l'histoire du cinéma. Ah bon? Ouais, et ça, ils le disent dans la bande-annonce. Ouais, ils le disent au tout début en fait. Sérieux? Ouais, ça coûte une blinde, c'est une heure. Pour se la raconter. J'ai l'impression d'entendre cette phrase tout le temps. À chaque fois, ouais, c'est vrai. Mais surtout quand c'est James Cameron. Ouais, ouais, ouais. Mais il me semblait que Titanic c'était. C'était à l'époque le plus cher de toute l'histoire du cinéma, puisqu'ils avaient reconstruit le Titanic. Mais c'était pas 2 milliards de dollars ou quelque chose comme ça? Je crois que c'était une somme. Oh, mais à mon avis, ça en a rapporté au moins 6. Bah, je crois que c'est encore plus. Ouais, je crois que c'est encore plus. 3 milliards et presque 3 milliards et demi. C'est quoi le délire que tu m'avais raconté en parlant des budgets de cinéma là sur le Nigeria, Roux? Non, en fait, j'étais dans l'avion et j'avais vu un reportage qui s'appelait Nollywood Babylon. C'est sur l'industrie du cinéma de nigérian, quoi. Ouais, c'est Nollywood. Ouais, c'est ça. Et donc ils font près de 4000 films par an, je crois. Donc c'est quand même, non mais c'est quand même beaucoup. Ah, c'est pas mal, ouais. Et c'est à votre avis, quel est le budget moyen pour un film? Attention, effets spéciaux compris, hein, tout. Je sais pas, un million? 10 sacs de riz? De dollars? C'est drôle ça. 100 000 euros, 200 000 euros. 15 000 euros. Mais c'est Nigeria. Tout. Donc forcément, les effets spéciaux, c'est le fils du réel qui les a fait au crayon de couleur. Il a pas le choix. Non. Ah putain, c'est pas vrai. En Afrique, vous croyez qu'il y a un réalisateur qui s'appelle James Cameron? Écoute, je sais pas. Mais James Cameron, c'est pas celui qui avait fait Titanic? Bravo, Isabelle Giordano, pardon. Bon, allez, si, c'est bien lui, oui. D'ailleurs, je crois que Titanic, c'était les plus grosses recettes aussi, parce qu'on avait parlé de la prod, là, mais c'était les plus grosses recettes aussi du cinéma. Hein, mais il a dû se faire des couilles en or, le bâtard. Ah, oui, bah, ça, c'est pour ça qu'il a attendu avant d'en faire un autre. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, cela dit, effectivement, il est blindé de thunes. Hein. Ah oui, tu parce que même s'il s'est fait des couilles en or sur le coup, il était déjà blindé de thunes avant. Hein. Ouais. Mais enfin bon, apparemment, il aurait déclaré ça d'ailleurs dans une interview. Je suis le roi du monde. C'est facile. C'était facile. Et mais d'ailleurs, il se la raconte, mais c'est DiCaprio qui vient de se prendre un coup de pression là par les producteurs, il a grossi. Ah bon? Ouais, il doit perdre 13 kilos là pour le prochain film. 13 kilos quand même. Et il joue le rôle de François-Xavier ou quoi? Bon, voyons voir comment ça se passe au niveau du box-office, j'en avais parlé. Donc en gros, le numéro 5, c'est J.J. Joe, le réveil du cobra. Oh là là, plus le titre, faut vraiment avoir moins de 2 ans pour avoir envie d'y aller. Hein. Oh, bon, et numéro 4, c'est Ice Age 3, donc l'âge de glace numéro 3. Ah, le film préféré des courgettes. Ouais. Oh, bon, c'est un peu de la triche comparé aux autres films puisque ça fait quand même 7 semaines qu'il est sorti. En numéro 3, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ouais, j'espère qu'il n'est pas contaminé le sang. Ouais, ouais, c'est mieux, effectivement. De ouais. toute façon, écoutez les infos, hein, si t'as le moindre problème, tu mets un masque et des gants et tout va bien. Voilà, oui. Ouais, c'est pour la grippe, mais ça n'avait pas changé grand chose au niveau du sang. Ça, ah ouais, c'est... maintenant que tu le dis, c'est pas bête. C'est l'acteur ça. Qui joue Harry Potter, là, Daniel Caniff ou Caniche, là, je sais pas quoi. Gratif. Et apparemment, il veut réaliser un film de gangster. Ah ouais, ouais, les mecs vont braquer une banque avec un balai, ouais. Ouais, faudra le temps. Bon, numéro 2, c'est Neuilly sa mère. Alors, si vous voulez aller voir les photos de l'interview des acteurs là qu'on avait reçu juste avant les vacances, vous pouvez aller sur mikl.fm. Et ça a l'air de bien marcher, le film. Ah ouais, c'est pour ça que c'est en numéro 2. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Plus de 400 000 entrées en une semaine. Bon, et en numéro 1, c'est Là-haut, pour bien son nom d'ailleurs en l'occurrence, un film qui raconte l'histoire d'un grincheux de 78 ans qui décide de réaliser son rêve en attachant des ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud. Voilà, encore un film de drogué. Ouais, et en plus il est en 3D celui-là. Ah non, pas celui-là, mais c'est vrai qu'ils arrêtent pas de nous bassiner avec leur 3D là en ce moment. Ouais, c'est pas comme s'ils avaient inventé quelque chose quoi, ça fait quand même des années que ça existe. Ouais, ouais. Ouais, mais enfin Megan Fox en 3D, je pense que je peux me branler longtemps. Ouais, c'est ça. Allez, on va parler parce qu'on va tenter de faire de la 3D à la radio. Ah, mais après les gars, faut pas s'étonner que la moitié des trucs qu'on fait ça marche pas hein, si j'ai fait de la 3D en radio. Bon, vous comprendrez plus tard, je ne vous en dis pas plus, restez là. Par contre, à propos de 3D, ça me fait penser à un certain dessin animé remis au goût du jour sur TF1. On en a parlé hier. Ça vous dit quelque chose ça? Merci de m'avoir permis d'essayer ta queue, Bourriquet. Je regrette, elle n'est pas faite pour moi. Mais je suis sûre que cette queue est parfaite pour toi. Elle n'a pas grand-chose d'une queue, mais elle est toujours là pour assurer mes arrières. Voilà. Avec ce rire pervers. Ouais, bon, donc ça, c'était Winnie l'ourson. C'est le dessin animé que vous pouvez voir tous les, je crois, dimanches, 7h30 sur TF1, pour les enfants. Je crois que c'est... Non, je crois que c'est en semaine aussi. Ah, c'est en semaine aussi. Bon, bref, ça parle de queue, en fait, en l'occurrence. Donc, c'est bien. Ah, oui, c'était... Ah, ça, ouais. On mettra la chanson tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle est sur le blog de Sandro. Vous l'aviez demandé en masse hier. Donc, mikl.fm. Et puis, vous cliquez sur le blog de Sandro Lopez. Voilà. C'est dessus, là, nous, ou pas? Presque. Ah, putain, c'est pas dessus. Bon bah c'est pas dessus, c'est incroyable, alors. Hein. Oh, là, là, là, là. Il l'avait juste depuis hier. Ouais, bah oui. Bah oui, mais bon, écoute, il pouvait pas être partout. Voilà. J'imagine voilà. bien. Bah, voilà. Au four et au moulin. Bah exactement. Bon, revenons à TF1. On avait dit hier qu'on les appellerait parce qu'il y a un moment on passe foutre de notre gueule. Faut pas nous prendre pour des cons. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment ils mettent Secret Story le soir. Bon, ok, pourquoi pas. Mais alors le matin à 7h30 pour les enfants où ça parle de queue et tout ce qui va avec. Là, je dis non. Non, ça non. ne se fait non. pas. Voilà. Donc, on va appeler TF1 maintenant. Oui, il devrait encore y avoir quelqu'un. J'espère qu'on va pas se faire griller comme d'habitude. Ouais, mais c'est avec la TF1, on n'a jamais la chance. Hein. Ah, c'est à la sécu qui te grille à chaque fois. Ah bon, très bien. Bon, bah, on va rappeler. Bah, de toute façon, je propose, c'est qui appelle. Non, mais je vais les appeler. Je suis offusqué que mon enfant ait pu voir cette débauche. Sauf appel en bon père de famille. Oui, oh. Tu parles de la honte là. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Ça ne téléphone pas. Bonjour et bienvenue au service accueil des téléspectateurs de TF1. Oh, c'est une vieille voix. Pour être mis en relation avec une personne du service, tapez. Dicen que la vida se hace con la suerte. Yo tengo la suerte de vivir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelle, je suis outré, je suis scandalisé madame. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé dimanche matin, il y avait Winnie l'ourson madame. Allô. Je vous écoute, monsieur. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai regardé ce dessin animé. Enfin, mon fils était devant ce dessin animé. Je l'ai surpris. Et savez-vous quel était le thème de ce dessin animé? Papa, je dois trouver. Je vous écoute. Les queues, madame. Les queues. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, madame? Rien, monsieur. Rien. Je prends note. Et vous n'avez rien à dire. Vous êtes là, vous êtes pas en toi. Hein, vous devez avoir la bouche ouverte. Vous permettez pas de me critiquer, monsieur, vous ne savez pas ce que je fais. Oui, bah oui, c'est bien ce que je vous reproche, je ne sais pas ce que vous faites. Là, moi, je vous appelle pour vous signaler ce manque de correction dans vos programmes, et voilà comment vous me traitez. Mais papa ! Comment ça, comment je vous traite ? Hein, je vous passe une chanson outrageante, madame, et voilà, ça ne vous a même pas choqué. Je prends note de votre opinion, monsieur, j'en fais part, vous savez ce qu'on en est. Et c'est tout. Oui. Vous ne faites rien de plus. J'ai pas dit ça, mais en l'occurrence, comme je n'ai pas vérifié, je ne peux pas vous répondre. Eh ben très bien, madame, vérifiez, je vous rappelle. Et je souhaite avoir des excuses quand je vous rappelle. Il a été diffusé quand, ce programme? Ça a été diffusé dimanche matin, madame, à 7h30. Dimanche matin à 7h30, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, madame. Un dessin animé adressé à des enfants où il faut chercher une queue. Tu l'as trouvé la queue, Winnie, ou pas, alors? Hein, voilà, voilà, il cherche la queue, il cherche la queue. Hein, j'ai l'air de quoi, moi, vis-à-vis des voisins? Hein? Et là, ça va être la rentrée des classes. Vous voyez, vous le voyez arriver à... Ah, je cherche une queue, je cherche une queue. Hein? C'est un truc à se faire virer le premier jour. Non, elle n'a pas trouvé de queue. Tais-toi! Je parle avec la madame. Et ça vous fait rire, ça vous amuse, madame. Je veux avoir oui, l'air de... parce que j'ai un doute de la véracité de votre appel, alors... Eh ben, madame, vérifiez, je vous rappelle dans une demi-heure et je veux, j'exige des excuses, madame. Vous voulez vous exiger? Oui, madame. Et ma langue n'a pas fourché. J'ai pris des cours de diction quand j'étais jeune, madame. Je vous comprends. Eh ben, je vous remercie. À tout à l'heure, madame. Votre nom? Qu'importe, je répondrai. Qu'importe, voilà. Très bien. Bien, je demanderai, madame, qu'importe. À tout à l'heure, madame. Et ça ne me fait pas rire, madame, des enfants qui cherchent des queues. Tais-toi, je te dis. Elle est relou. Parce que bon, le garçon, c'est Sandro. Hein. Quand on vous avait dit qu'à l'époque, c'était un garçon. Voilà, c'est ça. Et donc, hey, putain, c'est une tanasse. Hein. Imagine, t'es au téléphone. Allez, va chercher des queues l'enfant là si tu veux. Arrête un peu là. Donc bon, rappellera téléphone tout à l'heure le temps qu'elle vérifie. Bien sûr, je veux mes excuses. Oui, bah je sais pas si tu les auras, mais on va essayer. On promet rien, mais on va essayer. Oh oui. Mais je ne suis pas sûre que la queue fonctionne. Ah, mais téléphone marche en tout cas. Hein. Ça c'est bon, ça diffuse. Hein. Téléphone, y a pas de problème. Mickaël, le podcast. On va accueillir maintenant Alexandre qui est là. Bonsoir Alex, comment ça va? Salut Mika, salut toute l'équipe. Bon, salut. Bienvenue salut à toi. On va jouer au jeu des amis là, donc tu connais le principe, hein? Oui. Très bien. Sûr. On va appeler des amis à toi, voir s'ils te connaissent vraiment, tout ça, tout ça. Tu nous appelles d'où, Alex? D'Arpajon dans l'Essonne. Très bien. Et t'es en vacances là ou t'as fini les vacances? Ça recommence quand les cours? Bientôt. Ça fait vite de vacances, Arpajon. Alors que c'est dans l'Essonne. Hein. Ouais, bah ouais. C'est ça qui est dommage. Bon, et t'as un Facebook, Alex, ou pas? Oui. Combien d'amis? 200. Ah quand même, ah ça oui, va, c'est... oui, 200 c'est bien. Parce c'est qu'en fait, on a... star de Facebook. Ouais, on a inventé ce jeu en fait en constatant que la plupart des gens inscrits sur les sites communautaires en fait se vantaient d'avoir des centaines d'amis alors qu'en fait bah ils n'en connaissaient même pas le quart. Et encore le quart, je suis gentil sur le coup. Moi je les connais. Hein. Ah tu les connais tous? Parce qu'il y a beaucoup d'amis à l'étranger. Eh bien, pas de problème, on va vérifier dans un instant si tes amis sont réellement tes amis. Et juste avant, je voulais souhaiter une bonne rentrée à Laurent Romeshko à toute l'équipe des chiffres et les lettres, bien sûr, hein, sur France 3. Lui aussi, il a marqué le coup comme il se doit pour recapter l'attention des téléspectateurs après les vacances. Écoutez. En 8, Lionel. Et nucléé. Ouf. Qui a voulu rester soft, ce qui n'est pas le cas de Laurent qui a trouvé enculé. Ben oui, oh là voilà. Et Annie, vous auriez dû peut-être avoir l'esprit plus mal tourné. Mais oui, dans notre émission, c'est conseillé. Surtout que c'est un mot que je peux employer. Hein. Il commence fort, Romeshko. Hein. Ah oui, oui, oui. Entre les enculés sur France 3, les queues sur TF1, j'ose même pas regarder Jean-Pascal et Clara Morgan sur les voilà, on est quand même une bande de bouffons. Il y a un mec qui dit enculé, on est content. Ouais. Voilà, il y a un dessin animé où ça dit queue et on est content aussi. Ah, oui. C'est un ouf, c'est un truc de ouf. Alexandre, tu regardes Winnie l'ourson? Non. Ah, c'est tellement. Dommage, hein, parce que t'as écouté hier ou pas l'émission? Ah bien sûr, générique. Le générique. On le mettra dans un instant, générique. Encore un petit extrait, peut-être. Ça me ferait plaisir de partager ma queue avec toi, Darby. Oh, c'est très gentil, petit gourou. C'est honteux. Allez, un deuxième, c'est pour moi. Ah oui. Comment te sens-tu avec la queue de bourriquet, Darby? Oh là là. Avec ce vieux rire dégueulasse. Bon, on en mettra d'autres tout à l'heure. En tout cas, vous êtes demandeurs hein, sur le chat et les SMS là sur mikl.fm. Ensuite, vous allez dans la communauté ou sur la webcam et vous aurez le chat aussi d'ailleurs. Ou alors par SMS, donc au 612 en débutant votre message par mikl. Bon, Alex, on va donc jouer maintenant au jeu des amis. Que va-t-il se passer? Oh là là! Je viens de le dire, Tex, on va jouer au jeu des amis. Bon, allez, salut Tex, déjà, parce que j'avais oublié de le saluer. Salut Tex. Oui, bonsoir, oui, bah oui. Bon, Alexandre te salue également, Tex. J'espère que t'es content qu'il t'ait salué ce soir, on t'a pas oublié. On se fait un bon resto. Ouais, bah si tu payes, y a pas de problème. Bon, ah non, ce soir c'est Tof qui paye. Ah oui, je viens de le dire, ouais. J'avais oublié. Vrai. Et le roux va remanger pour la troisième fois. Oui, oui. T'as déjà mangé, Sandro? Bah ouais, c'est pas grave. Tu vas ressortir la même phrase que toutes tes vacances. Je commence demain. Non, j'ai commencé aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, mais tu sais qu'elle m'a fait rire tout à l'heure. On était en train de discuter et je fais en fait Sandro a fait des régimes sur une demi-journée. Ouais. Et elle me dit non mais d'habitude je tiens au moins 3 heures. Hein. Oh, là, là. Eh ouais Tex, c'est dramatique. Dis-moi Tex. Oui Tex. Bah alors il faut parler. Ah je t'entends à ce point. Il disait juste oh là là Sandra. Ah d'accord, ok, très bien. Tex, tu penses que Sandro va vraiment démarrer son régime aujourd'hui? Enfin, a démarré son régime aujourd'hui, mais est-ce qu'elle va le tenir en longueur? Qu'est-ce que vous me dites? Je viens de... Est-ce que tu crois que, que Sandro va tenir sur la longueur au niveau du régime? T'es fou d'annoncer des trucs comme ça, l'antenne. Ah mais je t'annonce pas là, c'était une question en l'occurrence. Il répond jamais hein. Non, toujours à côté. Toujours à côté, c'est sauf un truc là. De ouf. Bon Alex, on va une jouer. Une fois par jour quand même. Oui bah qu'elle bouffe gras, oui bah enfin c'est pour ça qu'elle commence toujours demain. Hein. Ouais, c'est à la mode. D'être gros. Ouais, c'est vrai. Aussi, ouais, c'est vrai. Oui. Bon, allez, on y va Alexandre, parce qu'on a autre chose à foutre que de parler avec Tex. Ouais. Bon, oh là là. On va te poser. Oui. On va pas te poser des questions, on va d'abord appeler quelqu'un. Un de tes amis. Alors il y a Clément, Abdel ou Kevin? N'importe lequel. Bah choisis. Bah Abdel. Abdel, d'accord, ok, très bien. Abdel. Ah, Adèle. Adèle, d'accord. Bah bravo Michel. Ah oui, mais enfin bon, écoutez, je suis revenu aujourd'hui. Non, c'est Abdel, d'accord, ok. Lui écrit Abdel. Allô. Allô Abdel, Abel. Ouais. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. On t'appelle pour le jeu des amis avec Alex, ton pote qui est là, d'Arpajon. Ouais. Bon, tu le connais, hein? Oui. Bon, très bien. Tu peux dire non ou quoi? Yes. Ouais, tu peux dire non. Ouais. Bah ouais, tu peux dire non, mais du coup, par contre, je vais devoir raccrocher avec toi et au coup, tu gagneras pas de cadeau. Ce serait con pour la vanne. Non, bah, je le connais. Ah ouais, d'accord. On va vérifier ça justement, tiens. Bon, Abel, donc on va. Quelle rapidité, Michel a changé le nom déjà au standard. Oh, bravo. Qu'est-ce qu'il est fort, il connaît Michel, cette option. En même temps, il s'est mal exprimé, bon. Sinon j'aurais mis d'entrée quoi. Oui, tu bah vois oui, parce que c'est toujours la faute de l'auditeur, jamais ah bah celle oui. de Micha. Ça ne peut pas être les oreilles de Micha. C'est ça, jamais. Elle ne se trompe pas, vu la taille, non. Ah non, ouais, ça c'est sûr, on dirait des paraboles. Bon, allez, Abel, on va te poser 10 questions à propos d'Alexandre. Si tu réponds correctement, c'est gagné. Hein, il faut faire 6 sur 10 minimum. Si tu réponds mal, bah c'est considéré comme une mauvaise réponse. Enfin, c'est perdu, je veux dire. Et si tu ne sais pas, tu peux passer. Et là, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Et il faut aussi répondre du tac au tac. Okay. On y va? Ok. Allez, t'as une minute. Attention, première question. C'est parti. Si tu devais, s'il devait se faire un tatouage, un nouveau tatouage, qu'est-ce qu'il ferait? Ah oui, le logo de Muse. Oui, le logo de Muse sur son épaule. Par ah contre. Ouais. Ah ouais, ça bah ouais. Toi. Bon, quel est son signe astrologique chinois? Singe comme moi. Singe, oui, comme toi, bonne réponse. Vous savez comme toi, ça. Je sais pas, mais bon. S'il était un objet, il serait quoi? Un iPod. Un iPod, oui, bah c'est ouais, franchement, c'est il a des cheveux bizarres. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alex? Ouais. Fais attention à l'iPod, hein, parce que si jamais ça pète. Ah, il pète en ce moment. Oui. On sait jamais. Ouais, c'est bon. Pas un iPhone, il y a un iPod Touch. D'accord, bah alors ça va être tranquille. Bon, allez, question suivante. Quelle est la chose la plus ignoble qu'il ait mangé? Eh oui, effectivement. Alors la réponse, alors Alex, comment ça se passe au niveau de la réponse? Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as mangé de plus ignoble? C'est un fruit asiatique, c'est le durian, ça sent extrêmement mauvais. Oui. Mais bah, quel est le principe du fruit alors? Mais pourquoi tu l'as mangé surtout? Parce que si bah, ça pue, moi le fromage j'aime pas parce que ça sent mauvais. C'est ma mère, elle aime ça et elle m'a fait goûter et c'était le goût elle avec l'odeur. Ah donc c'était pas bon ouais. Ah oui non, bah, c'était dégueulasse non. Alors que bon, tu, d'accord. Tu okay. décides pas de pas manger un aliment parce qu'il sent mauvais hein. Ah si, ah, moi non, je. Non, non parce que c'est ce que t'as dans la bouche, non ouais, mais justement, oui, j'ai du mal à mettre l'odeur, dans la bouche. Elle est tellement forte que t'as. Ouais, ça tu vomis dans le palais et que ça te prend tout le goût. Ouais, mais regarde ça, ouais. un bon camembert, ça pue, mais laisse tomber, c'est dégueulasse. Bon, continuons. Trois bonnes réponses, une mauvaise. Abel. Ouais. Allez, on continue. S'il était un chien, il s'appellerait comment? Bah Milou. Mais oui, quelle honte. Alors attention, et ouais Milou, bah écoute. Bon, quel est son pire souvenir à l'école? Pire souvenir. Aucune idée. Ouais, alors Alex, comment ça se passe au niveau de la gerbe? Oh non, c'est horrible. Hein dis-nous que t'as vomi sur la maîtresse. Non, c'était en cours d'SVT. Ouais. Et j'étais pas bien et j'arrêtais pas d'aller faire des allers-retours à l'infirmerie en cours. Et au moment où c'est sorti, bah j'étais en cours. Ah, quoi, vous étiez en pleine dissection? Non, pas du tout, non, j'étais malade. Ah oui, bon, bah ça arrive. Bon, devant toute la classe, c'est chaud quand même. Oui, bah, oui. Ouais, voilà. Surtout qu'à la fin, c'est vomi-man, quoi, toute l'année. Ouais. Hein. J'avais une copine, elle a vomi pareil en cours, et tu sais, elle a mis sa main pour retenir le vomi. Oh, c'est crado. Et on ça a eu un joli feu d'artifice. C'est sympa, oui, parce que non, du coup, ça passe entre les doigts, et bam, c'est comme un tuyau d'arrosage, quoi, tu vois. C'est pas mal. Et après, il faut nettoyer les cahiers. Alex et Abel, on continue. Quelle bonne réponse, deux mauvaises. Est-ce que. Oh, Micha, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais oui, mon feu bon. Quelle question? Alors, si j'enlève... Attends, bon, t'es prêt, Abel? Ouais. Si on lui enlève deux bras et l'œil gauche, quel pourcentage de chance a-t-il de serrer Ugly Betty? Bah quoi? Si on lui enlève quoi? Attends, j'ai pas entendu. Deux bras et l'œil gauche, quel est son pourcentage de réussite de serrer Ugly Betty? C'est sensé comme question. Si se la raconte, si ton pote a l'habitude de se la raconter, dis 100%. Non, bah non, je lui laisserai peu de chance, je sais pas, 15-20%. Je sais pas. Bah je sais pas, dis 15 ou 20 ou 10 ou 20. Ouais, 15-20 ça va rien. Comme fourchette, c'est pas une question facile quand même. M'en fous, je veux la réponse. Alors combien? 20, je sais pas. 20, tu sais. Ouais mais il faut que tu saches combien. Bah 20. 20. Bon, bonne réponse. Ah, c'est ça. Ouais. Je te jure, c'est ça. Ouais. Bon, 5 bonnes réponses et la petite dernière là maintenant, attention. Mais Micha, qu'est-ce que c'est que cette question? Est-ce qu'il t'arrive de regarder dans ton mouchoir juste après t'être mouché? Quoi, tu le fais jamais toi? Bah non. On le fait. Oh bon. Non, en général, je bouge pas, ce gros porc. Impossible. Si, pour regarder comment ça. Il se mouche jamais, ce gros porc. Bon, alors, il regarde ou il regarde pas? Bah, il se mouche pas, ce gros porc. Bah, c'est une mauvaise réponse. Il se mouche pas, quoi. Donc, il regarde. Bah, donc, non, il regarde pas, non. S'il se mouche pas, il peut pas regarder. Il se mouche pas. Oui, mais bon. Il utilise pas de mouchoir. C'est vrai, oui, mais non, ce sera... D'accord, bon. Ce sera pas. T'as pas envie, quoi. Ce sera... Bah, non, mais il regarde pas. On a posé s'il se mouche, oui, non. On a pas fait des questions. Fais comme tu veux. Ouais, c'est toi le chef de toute façon. C'est vrai, c'est oui, mais enfin bon, il y avait une minute, Alexandre. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Et déjà qu'on a largement dépassé la minute, n'est-ce pas Tex? On a dépassé la minute. Et Tex. Et on peut passer à une question pour départager. Tex. Il est parti. C'est incroyable ça. Il est déjà parti. Bah je sais pas, il est parti. Bah tant pis alors. Bon les gars, ça va quand même pour vous? Bon, le travail, ça va bien? Oui, bah ça va, oui, mais je te demandais si... Oui, je demandais comme question. Oh, on sait plus, on s'en fout. Ah, je sais plus, tiens, c'est pas grave. Pas bon, Alexandre et Abel, vous envoyez quand vous voulez, on va... Oui, vous pouvez passer une dédicace si vous voulez, ouais. Oui, non, mais on peut passer une question pour départager, pour nous choix. Départager Tu veux départager? Non. Bah non, Tex a dit aussi, hein. Mais c'est pas grave, Micha va vous poser une belle question hein, pour vous départager. Écrit de sa main. Bon, Alexandre et Abel, retour au standard, je vous fais des gros bisous tous les deux. Et puis bah, si vous voulez participer au jeu des amis, ça y est, j'y suis arrivé. Vous y allez, vous inscrivez 612 débuté par Mikael ou alors sur mikael.fm. Retour du jeu merci des amis messieurs. Demain dès 21h, je prends Tex. Petit message de Winnie l'ourson vite fait avant qu'on rappelle TF1. Oh la chanson s'il te plaît. Tout le monde la demande. Bah oui alors. Surtout moi. Oui, c'est ça en fait. Hein. Tu la demandes où? Ouais, je suis chaud, vas-y. Très bien. Bon allez, on remet la chanson, c'est même pas le générique, hein, c'est une chanson qu'il y a dans le dessin animé en fait, de Winnie l'ourson qui est passé dimanche sur TF1 à 7h30 du matin. C'est donc ça. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. Sandro connaît par cœur. Hein. J'en serais si fière que jamais je la laisserais tomber. Ce là-bas, elle pointerait vers le soleil. Ma queue serait grande, vivante et jolie. Violette aussi. Et tout le monde dirait qu'elle n'a pas son pareil. Si j'avais une queue comme mes amis. Je dois trouver une queue, Elle est contente, elle a chanté sa petite chanson. Mais oui, mais voilà, comment elle va pouvoir aller dormir. C'est ça la question. Bon, on va rappeler TF1, on avait déjà essayé d'appeler tout à l'heure avec Toff qui s'est fait passer pour le père de Sandro, scandalisé parce que Sandro avait vu la queue à la télé, enfin hein, entendu surtout. TF1 allait se renseigner pour voir si c'était bien passé et qu'est-ce qui s'était passé justement. On va rappeler TF1 dans un instant, Toff. Allons-y. Eh ben non, dans un instant. Ah bon. D'accord. Mikael, le podcast. Je vous en parlais depuis tout à l'heure. Quoi? La rubrique que vous attendiez tous. Ah, celle-là. Eh oui. Mesdames et messieurs, le petit ciné des Mexicains qui est de retour pour la troisième saison. Ouais ouais ouais. Merci, merci. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve. Ah, attends, un petit message. Je sais. Je peux vous dire qu'on en aura pas. J'espère que pour ce grand retour, vous allez nous régaler. Mais oui, on a ramené du popcorn, tu vas voir. On a ramené du saucisson, on a ramené des cochonneries. On a goûte-le, ça me fait plaisir. Bon, arrosé de bonnes bières bien fraîches. Ah, bien entendu. Bon, petit cinéma mexicain, ça parle de quoi ce soir? Oh, ça parle de cinéma, figure-toi. Pour une fois, en trois ans. C'est la mise à jour d'année dernière. Voilà, on a décidé d'innover cette année, on va faire du cinéma. C'est bien. Vraiment, mais vraiment, là, c'est sérieux. Mais on va faire le cinéma. Bon, il y a Mylène qui est contente sur le chat que le petit cinéma arrive. Vive les Mexicains. Qui aime les hommes? Bah Roux. Quoi? Non, c'est une question qui arrivait, moi je la lis tout simplement. Bon, petit ciné du Mexicain, donc ça parle de quoi? Ça va parler de Destination Finale 4. Ah, voilà, c'est ça. Le temps que ça revienne, que ça remonte jusqu'au cerveau. C'est ça. Moi aussi, je pensais que c'était autre chose en fait. Bon, allez, on y va. Non. Petit ciné des Mexicains, premier de cette saison. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, rentrée du petit ciné des Mexicains avec un vrai film de vacances où t'as pas besoin de réfléchir. Destination Finale 4. Attends. Destination Finale, c'est bien les films où le héros a une vision, du coup il sauve tous ses potes, mais la mort va quand même finir par les gauler. Ouais, c'est ça. Hein. Un scénario, 4 films quoi. Ouais. C'est Besson qui produit. Non mais attends, là tu peux le mater en 3D avec les lunettes et tout. C'est ça la nouveauté. Fort, vas-y, on essaye. Allez, vas-y. Vraiment dans le film. Mais on y est Pedro, on est dans le film. Eh, viens, on va s'asseoir à côté des acteurs là. Avec un peu de chance, on va se faire repérer. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, des voitures qui tournent en rond là. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vas pas l'acheter? Il est toujours en train de critiquer les trucs comme ça lui. Je sais pas. Putain, il pue le mec là-bas là. Fait chier, on va avoir l'odeur sur nos fringues. Y'a pas de danger, y'a des barrières. Et alors, espèce d'idiote, ça n'empêche pas l'odeur de passer hein. Heureusement que t'es bonne toi, je te jure, j'y mettrais bien un coup. Oh putain les mecs, je viens d'avoir une vision. On va tous mourir. Il faut qu'on s'en aille. On risque de mourir, il va y avoir un accident. Ça va, c'est moi qui ai eu la vision. Arrête de faire le mec qui gère. Tu l'as vu avant que ça arrive? Bah c'est un peu le principe d'une vision hein. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bah toi par exemple, je peux te dire que t'es la prochaine personne qui va mourir. Mais t'es malade, ça se dit pas des choses comme ça. Ça se fait pas. Faut lui dire. J'ai toujours ces visions. Je vois comment la prochaine personne va mourir. Mais tu fais exprès ou quoi? T'es un coupure, c'est pas possible. Je viens de le dire que c'est elle la prochaine personne qui allait y passer. Quoi? Comment ça la prochaine personne? Oh, c'est pas vrai, ça veut dire que tu vas crever hein. C'est pas compliqué, alors fais ta valise et arrête de nous emmerder avec tes questions. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne quand même. Par contre, elle est bonne hein. Ouais, j'avoue, j'y mettrais bien un petit coup hein. Attention! Putain, ça nous arrive dessus! Cours, Polo! Cours! Ça, c'est un film de dingue, ça pète de partout. Bon ben, déjà c'est plus calme ici hein. Oui et... Oh putain, elle est vraiment conne, je te jure. Oui bah tu vas pas l'épouser, je te rappelle que c'est la prochaine à caner. Si tu veux la secouer, c'est maintenant. Ouais, t'as raison, j'y vais. Attends, par contre, tu lui as même pas demandé son avis. Ouais c'est bon, pas de temps à perdre, je me dessape. Putain. Ah putain, bouton à la con. Faites gaffe, le bouton. Attention. Oh putain, merde. Eh bah bravo, hein, bravo hein. Tu viens de tuer ton plan cul avec le bouton de ton jean. Même Besson n'aurait pas osé mettre ça dans un scénar. Putain, je suis deg. T'as trop vénère quoi. J'étais à deux doigts de me la faire, à deux doigts. Perso, moi j'ai une braguette, donc à l'heure qu'il est, je serais sûrement en train de me la faire. Ouais, c'est ça, vas-y, j'enlève ces lunettes à la con. Bon, là, ça y est, c'est fini là, la 3D. Ouais. Trop dangereux, trop décevant, trop frustrant. C'est bon, moi j'arrête. Eh, hey, au fait, il y a le prochain film d'Angelina Jolie qui va bientôt sortir. Ouais. On garde les lunettes. T'as eu la même idée que moi au même moment. Non, ça vous êtes toi. Non, vous êtes à deux. Non, tu vois, c'est... Vous êtes un couple. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais. C'est le couple des Mexicains. Vous connaissez depuis longtemps, c'est normal, vous êtes en symbiose. Non, mais voilà, c'est pas. Ça. En fait, ils ne sont qu'un. On se connaît pas depuis. Non, non, ça vous arrive souvent, Polo, il commence les phrases, c'est toi qui les termine. Non, ça ne nous arrive jamais. Vous vivez ensemble ou pas? Non. Bon, petit ciné des Mexicains, donc le premier de cette saison rythmé. Oui. Et moi je voudrais juste savoir si Sandro s'est bien régalé pour une fois. Oh Sandro, putain. C'est dégueulasse. Franchement. Désolé, bah, il me pose pas des questions. Ah, alors, c'est dégueulasse. On t'a dit qu'on pouvait pas boire pendant l'émission, là. Du vous, tu vois, et tu fais des roues. Et la bouteille est dehors. Oui, bah, c'est encore pire. C'est encore pire. Mickaël, le podcast. Bon, allez, après Lily Allen, enfin, avant Lily Allen, je vous avais dit qu'on rappellerait TF1. Mais oui, appelons pour cette histoire, TF1, c'est un scandale. Ouais, pour cette histoire de Winnie l'ourson. Ça ne peut pas me faire bondir comme toi, Tigrou. Voilà, en gros, c'est pour ça, parce que ça parlait de queue dans tout l'épisode de TF1, de Winnie l'ourson sur TF1 ce dimanche. On les avait eu au téléphone tout à l'heure. Et, bon, bah, en gros, concrètement, on sait pas. On croit que c'est une blague, tout ça. Donc, ils allaient se renseigner. On devait les appeler une demi-heure plus tard. Ça fait quasiment ça. Pour avoir des excuses. Voilà. Je veux que madame merde, comment est-ce qu'elle s'appelait? N'importe quoi, non? Non. Madame Quimporte. Voilà, c'est ça. Que madame Quimporte me donne des excuses. Donc, bon. Je veux parler à madame Quimporte. Bon, donc, Tof qui se fait passer pour le père de famille. Il y a Sandro, là, qui fait le petit garçon. Et puis, moi, je serai peut-être la vieille, peut-être la petite grand-mère. Ah, oui, la famille au grand complet. Voilà, exactement. Nous sommes tous réunis ce soir autour de la cheminée. Toutes les générations. Oui, enfin, la cheminée le 26 août, si tu veux. Oui, bah, il y a des endroits éteintes à la limite. Ouais. Bon, dans le Doubs. Je crois que maintenant il doit faire 2 degrés dans le Doubs. Ah bah c'est l'été. Ah hein, ça là-bas. Faisait longtemps la météo. C'est la canicule. Bon allez on y va, on rappelle. Bonjour et bienvenue au service accueil des téléspectateurs de TF1. C'est une vieille voix. Pour être mis. Au Mexique. TF1 bonjour. Oui bonjour madame peu importe. Comment ça avec madame peu importe? Oui je veux parler à madame peu importe. Ah, je suis désolé, il n'y a pas de personne qui s'appelle comme ça. Si, madame, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'elle allait vérifier et donc que c'était peu importe et que je pouvais la rappeler pour avoir mes excuses. Donc je veux mes excuses, madame. Alors vous patientez un petit instant, s'il vous plaît, je vais vous trouver la personne. Je vous remercie. Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô ? Oui, allô, madame. Oui, monsieur. Oui, voilà, donc je vous ai laissé le temps de vérifier. Maintenant, je voudrais vos excuses. Oui, est-ce qu'elle a des réponses ? Alors, déjà, vous n'aurez pas des excuses. Comment ça, je n'aurai pas d'excuses, madame? Vous diffusez un programme à une heure où les enfants peuvent regarder avec des histoires de queue et vous ne vous excusez pas? Queue, c'est à connotation sexuelle. Ah, parce que pour vous, queue, ça n'est pas à connotation sexuelle. Bah, il y a peut-être des queues d'animaux, monsieur. Mais enfin, madame, vous êtes bien naïve. Hein? Mais si vous n'aimez... Si ça ne vous choque pas, madame, je serais très heureux de vous présenter ma queue. Eh ben écoutez, je vous passe maman, voyez avec maman, elle va vous expliquer. Hein, parce que, puisque moi je ne vois des queues partout et que ça ne vous choque pas, expliquez à maman, expliquez-lui. Hein. D'accord. Allô? Bonsoir madame. Oui, bonsoir mon petit. Dites-moi, écoutez, je ne comprends pas, vous trouvez ça normal? Papa, mets la chanson. Non mais madame, Donc tu écouteras plus ces chansons. C'est dans un certain contexte que ce dessin animé a parlé de queue. Oui, enfin bon, écoutez, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, elle veut regarder encore ce dessin animé de perversité. Parce que je vais m'en acheter une grosse queue. Arrête de parler de ça. Enfin. Mais arrête. Bon, vous avez vu le résultat votre chaîne de télé? Hein? C'est ennuyeux. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Offrez-lui un bon livre. Un bon livre? Non, moi je veux une queue. Si bon vous semble. Non mais écoutez, laisse tomber mon petit, on va passer la nuit à téléphoner, hein, ce n'est pas grave, nous regarderons M6 la prochaine fois. Papa, moi je veux parler de queue. Non, tu n'auras pas de queue, arrête de parler de ça. Bon mais écoutez madame, je suis déçu par vos programmes et nous arrêterons de regarder la une. Hein, nous regarderons la deux, au moins il y a des reportages culturels sur cette chaîne. On regardera Nagui. Voilà, hein, il est bien mieux que Reichmann. Et arrêtez de rire madame. En diffusant des programmes pornographiques le matin, on ne se permet pas de rire. En vous souhaitant le bonsoir. Vous avez un esprit mal placé monsieur, ce n'est pas notre ressort. Hein. Bah c'est vous qui êtes un petit peu, si je puis me permettre, un peu non, froide. Je ne vous permets pas. Oui, mais moi je me permets. Hein, madame la frigide. Madame la frigide, d'accord. Écoutez, c'est honteux, je ferai un courrier. Bonsoir monsieur. Tais-toi. Bon voilà, et en plus, maintenant il pleure. Bon écoutez, au revoir madame. Vous voulez que je parle à votre enfant? Parlez-lui, dites-lui que c'était pas des grosses queues, hein. Dites-lui, vous. C'est quoi? Prends le téléphone. Allô? Parle à la frigide. Allô mon petit? Allô madame? Oui. Moi je voulais trouver la queue à Winnie, mais papa il arrête pas de se fâcher. Alors on dit la queue de Winnie, non pas à Winnie. Oui, la queue de Winnie. Et effectivement, si t'as pas pu la montrer sur la télévision, il va falloir attendre le week-end prochain. Est-ce que je peux gagner une chanson de Winnie? Ah, je ne pense pas. Hein. Mais toi, tu la connais? Non, pas du tout. Tu connais... Mais si tu veux, bah moi je sais qu'à te la prendre, hein, c'est facile. tu veux que je la chante? Vas-y. Alors, s'il y avait une queue, elle me ferait bondir et frétiller. Envoyer un ballon jusqu'au ciel. J'en serais si fier. Mais... Et en plus, vous lui faites demander de rechanter cette cochonnerie. Allô? Est-ce que vous foutez de moi? C'est bien ce que je vous disais, hein, c'est la queue de Winnie l'ourson qu'il doit chercher, donc... C'est oui, si vous avez un mari, il a aussi une queue, ça veut rien, c'est la même chose, vous vous foutez vraiment de moi. Ma queue... C'est quand même incroyable. Ma... Arrête de chanter, je t'ai dit. Ma queue serait grande, puissante et pisonnée. Voilà, puissante, puissante. Touffue et violette. En touffue ou plus aussi. Madame, enfin. Ils avaient une queue comme les amis. Bon, calme-toi, t'as... écoutez, madame, on vous souhaite une bonne soirée, au revoir. Ma mère m'a dit de chanter ça. Je viens de raccrocher. C'est ouf. Mais il m'a fait bon. Le sitcom. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Voilà. Mais bon, remercions les grands acteurs qui étaient présents ce soir dans le rôle du papa. Tof. Tof. Bravo. Oh là là, oh là, oh là. Si, il a été bon. C'est vrai. Ouais, dans le rôle du petit casse-couille, Sandro Lopez. Bravo. Très bien. Et dans le rôle de la vieille, moi-même. Bravo. Non, bah ça va. Alors t'as fait une mauvaise blague. Ouais ouais, c'est ça. Ouais. Non mais par contre, et la meuf elle était quand même super cool là. Eh, franchement, parler avec le petit et tout. Mais autant non, tu vois bien que c'est la queue d'un animal. La queue à Winnie, on dit la de queue de Winnie. Oui. La queue de prof de France à l'époque. Autant là TF1 moyen avec la queue sur TF1, enfin c'est sur le matin là. Autant là la réception. Elle vous a quand même envoyé chier, non? Non, elle était un peu sèche, mais tu sais, elle a pas raccroché, elle a pris le petit au téléphone. Ah, donc ça va, hein. Ouais, attends, je pense c'est gentil. Je pense qu'elle s'est dit, je suis tombée sur une famille de cassos. Je vais passer une bonne soirée. Ah ouais, c'est parce clair. Que là, ouais. Elle va cracher sur notre gueule avec son mec. Hein. Ah, il y a des chances. J'ai eu un truc au téléphone des gens, mais tu te rends même pas compte. La France d'en bas, quoi. Tu te rends pas compte. Il y avait la vieille qui était là, qui arrêtait pas de me prendre la tête. C'est ça. C'était un truc de malade. Tu te rends pas compte. Est-ce qu'elle est pas habituée? Oui, si probablement. Et encore, on a de la chance parce que la centrale d'appel TF1 est à Paris, hein, mais on aurait pu tomber à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai, parce qu'en général, ils mettent beaucoup de centrales, les centrales téléphoniques au Maroc, etc., pour économiser. Et voilà. Micha est au Botswana. Ça aussi, c'est pour économiser. En fait, il n'est pas avec nous dans le studio. C'est pour ça, hier, on vous a dit qu'il était pas là, c'est parce qu'on avait une coupure du faisceau. Ouais, donc, j'ai eu un problème au Burkina Faso. Là. Voilà, on a une panne de ligne. La connexion passe plus. Et donc, ça marchait pas. Alors que là, le satellite marche bien, n'est-ce pas, Micha? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as vu? Quoi? Comment vous il entendez... fait? Quelle vous... température il fait en Ouganda? 45 degrés, comme tu sais. Vous entendez la différence de voix? Parce que, tu sais, on a une ambiance dans le studio, écoutez, donc vous entendez nos voix, et puis quand il parle. Mais c'est le taxiphone, hein. Tu vois, c'est pas pareil. Il est pas dans la même pièce, quoi, ça prouve. Hein. Il est pas dans le même pays, ouais. Et il est pas dans le même pays non c'est plus. C'est beau la technologie. T'as vu, hein. On se rend pas compte, hein. Ah non, c'est bien. C'est bientôt, ça. Ils vont faire pareil avec les animateurs, hein. Ils les prendront ailleurs aussi. Peut-être, ouais. Bon, moi, je vais bien faire l'émission en direct de... Non, non, en fait, ce sera plus toi, hein. Des Caraïbes. Ah oui, oui, mais ils vont te proposer l'Ouganda énergie. Ouais, ouais. Bah, quelques jours, quoi. Ouais, deux. Histoire de voir. Hein. Bon, pour finir, un petit... Comment te sens-tu avec la queue de bourriquet, Darby? Darby, déjà pour s'appeler Darby, c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. À la vie, ils ont dû s'inspirer de Barbie. Non. Bah, qui non, sait. Non, c'est pas assez proche comme problème. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mickaël, le podcast. Bon, et on en parlait aussi depuis tout à l'heure. Hier avait lieu la dernière de mon incroyable fiancé number 2. Et donc pour resituer en fait, vous me dites si je me trompe pas. Hein. Donc Christopher pensait débarquer dans une émission où il allait pouvoir pécho plein de meufs. Et donc évidemment TF1 lui avait prévu une petite arnaque des familles, évidemment une version gay. Voilà. Donc en gros Christopher a été confronté à un comédien, Emeric, qui a fait semblant de tomber amoureux de lui. Et en plus c'était crédible hein, parce qu'il est pas mal le Christopher, on aurait dit Castaldi mais en beau gosse. Ouais, en fait il ouvre juste les yeux quoi. Oui, c'est vrai qu'il a les plus petits yeux de la télé Castaldi. Bref, donc après moult rebondissements qu'on n'a pas tout suivi à vrai dire, hein, hier Christopher en fait devait annoncer à sa famille qu'il allait se maquer avec... Un mec. Ah ouais. Et en voilà. Plus le pire c'est qu'il devait annoncer ça à son père qui avait l'air pas très content d'entrer dans ce merdier. D'entrer, très bien. Mais c'est d'entrer dans ce merdier. La phrase que tu viens de dire, Toff, va rentrer dans le top. Hein. Ouais. Alors vous savez ce qu'on va faire, donc on va tout simplement laisser la voix off nous introduire le sujet. La semaine dernière, Christopher est de plus en plus désemparé par les déclarations d'amour de son partenaire. Une situation d'autant plus insupportable qu'il prend conscience que le plus dur est à venir. Lors de son faux coming out à ses parents, Christopher perd tous ses moyens. La révélation est un véritable choc. Eh oui, un gros choc. Voilà. Donc on a replanté le décor, là, je crois que c'est fait. Hein. Et pas que le décor. Non, les gars, on va pas faire tous les jeux de mots possibles sur le sujet non plus, ça va être compliqué. Attends, c'est bon, moi, comment dire, on fait rien nous. Il suffit d'écouter ce que disait Christopher hier et tu vas voir que à la fin de l'épisode. Tu vois, devant les 100 000 euros, ben, je me suis dit que mes efforts, ils ont payé, quoi. Je me suis dit, moi, j'étais au fond des choses et que j'ai réussi. Ah oui, d'accord, au fond des choses, ouais, il est bien entré dans son personnage. Roux. Quoi? Ah, c'est vous qui avez l'esprit mal tourné. Ah non. Non, par contre, sérieusement, c'est Christopher qui m'a l'air le plus perturbé par tout ce qui lui arrive dans l'histoire. Et c'est pas faux. Écoute-le. Et je recommence. Ah, t'as vu, Toff, tu m'as filé le virus là, putain. Désolé. Donc écoutez-le, juste après avoir été obligé d'annoncer lui-même aux amis d'Emeric leur homosexualité. Si ses potes ils découvrent le poteau vert, c'est foutu. Donc en fait, eux ils ont tout fait pour me faire craquer, mais moi il fallait pas que je me démonte parce que moi dans ma tête, mais si jamais ils découvrent que c'est pas vrai, on a perdu, on arrête quoi. Ouais, il est perturbé, hein. C'est moi qu'on puisse dire d'ailleurs si ses amis découvrent le poteau vert. Le poteau vert. On dirait Sandro qui parle. Ce que je me demande c'est s'il est effectivement juste perturbé ou alors si en fait depuis tout petit, tu sais, dès qu'il veut employer l'expression poteau vert, découvrir le poteau rose, donc il s'imagine un poteau vert. Ouais, tu le vois vert. Ouais, c'est possible, ça se trouve. Moi, j'aimerais bien écouter la phrase sortie de son contexte, ça peut être marrant. On peut la réécouter. Si ses potes, ils découvrent le poteau vert. Le poteau vert, ouais. Donc il y avait 100 000 euros pour aller au fond des choses avec un gay. Il a fait la pute pour TF1, quoi. Non, là, c'est toi qui vas chercher loin. Hein. Ça l'a perturbé, le roux, en fait, cette petite émission, non? Non, moi, je vois bien ce que veut dire le roux. Hein. Ouais, bah, ça me rassure pas vraiment. Moi, j'ai trouvé sympa Christopher. Le mec, il est pas gay du tout. Il croit qu'Emeric l'est pour de vrai. Il aide à faire son coming out. Il prend les choses en main. Sandro! Mais sérieux pour le coup? Non, mais attends, mais t'es nouveau en train de paix que vous avez écouté Winnie l'ourson, vous êtes dans un autre monde. Hein. Non, mais devant les parents, il a géré. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort. Bon, si vous avez raté la scène hier, écoutez, c'est du bonheur, surtout les fins de phrase. Ça casse les couilles, hein. Grave. Y a rien de plus qui peut casser les couilles. Hein. Mais voilà, si vous a fait venir aujourd'hui, c'est qu'il est fier de sa famille. Il a eu, lui, le courage de vous le dire, de ne pas vous mentir et d'être franc avec vous. Quel acteur. Et ça, c'est avoir des couilles grosses comme ça. Ça, c'est avoir des couilles grosses qui sont plus grosses que la table. Ça doit vous inspirer à l'intérieur quelque chose de plus grand que la colère. Ta gueule ! Bon, alors, bon, le ta gueule, je vous avoue, on l'a déplacé juste pour faire un kiff. Il était pas là en vrai. Mais sinon, c'est vrai qu'il assure le gars. Hein. Il y va, il prend le taureau par les cornes, quoi. Ah ben voilà, tu t'y mets aussi, Mike. De quoi ? Bah, le taureau par les cornes. Oh, il est relou, ça va. Au lieu de dire n'importe quoi, là, vous voulez pas entendre Christopher dire de la merde? Bah, s'il y en a d'autres, vas-y, hein. Ah bah, et comment qu'il y en a d'autres? On retrouve Christopher, donc juste après le coming out d'Emeric, le faux papa du comédien s'emporte et Christopher tente de calmer le jeu avec, ses mots à lui, quoi. C'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? Mais y a pas d'histoire, l'histoire, c'est que voilà, j'aime Christopher, après c'est tout. Chut, calmez-vous, essayez de prendre votre calme. Essayez de prendre votre calme, c'est magnifique ça. C'est-à-dire Christopher, il réinvente la langue française. Ouais, il réinvente. En fait, c'est le nouveau Stevie, c'est une ouais. Nouvelle génération. Ouais, et tu crois pas si bien dire, hein, parce que niveau de la présence d'esprit, on n'est pas très loin. Hein. Ouais, mais lui, il a une excuse, il est dans une émission, on lui fait vivre des trucs de dingue quand même. Ouais, c'est vrai. Mais Stevie, lui, même en sortant du loft, il a continué à dire de la merde. Bon, bah on demandera à Nikos si Christopher dit moins de conneries hors émission, puisqu'il était l'invité du 6-9 ce matin. En attendant, je propose d'écouter un passage qui suit la gueulante de papa, enfin du papa en l'occurrence. En fait, la fausse maman d'Emeric qui a profité de l'embrouille pour disparaître. Panique, branle. Bas de combat dans la maison pour la retrouver, évidemment. Christopher revient sur cet événement. Écoutez ce grand moment de lucidité. Non seulement le travail du comédien, le rôle des autres comédiens, mais le travail de toute l'équipe autour qui fait style. Putain, on n'était pas au courant, quoi. Alors tout le monde était au courant, quoi. Et que moi qui avec moi qui le bon jambon, le bon lindon de la farce, quoi. Il a bugué là. Il est passé à deux doigts du bon jambon de la farce. En fait, ce mec est extraordinaire. Bah, apparemment, il y a d'autres sons, vous avez pas encore tout entendu. Hein. Ouais, parce qu'évidemment, en fait, ils finissent par retrouver la maman, ça tombe sous le sens, hein, mais pas n'importe où. Alors, je vous resitue rapide, hein, évidemment, comme d'habitude. On est la nuit, ils viennent de dîner, coming out, grosse embrouille, maman qui fuit et qui réapparaît sur une plage avec des pêcheurs. Oui, donc la prod a peur de rien, quoi. Voilà, mais attends, bah, c'est pas tout en fait. Elle est en train de les aider à sortir de l'eau un filet de pêche comme ça, tranquille, quoi, normal. Ouais, normal, bon, oui. Il est 23h, je viens d'apprendre que mon fils est un PD, hein. Et si j'allais aider les pêcheurs espagnols à faire leur taf? Voilà, en toute simplicité, mais lui, ça lui semble pas plus étrange que ça, hein, Christopher, à écouter. On a paumé la mer, il y avait déjà des spots sur la plage. J'aurais dû capter là aussi, quoi. Ah, mais moi. La taupe, j'ai rien à voir. Voilà, bon bah tout est dit, hein. Merci Christopher, merci pour tout. Ouais, mais juste pour revenir deux secondes sur ses parents à lui, à qui il devait annoncer sa fausse homosexualité, on s'est pas trop attardé dessus parce que ça avait l'air d'être une drôle d'épreuve pour lui. Mais pour, non, mais en fait, on voulait sortir des réactions de son père, seulement il a pas dit un seul mot, tu vois. Donc il a appris la nouvelle, il a fait comme il a pu pour garder son calme et il a tracé direct en limousine. Ah, en même temps, tu peux comprendre, t'imagines, ça doit te faire bizarre d'apprendre que ton fils, que t'as toujours vu hétéro, et ben en fait, depuis le début, il prend côté pile. Ouais, mais en même temps, la daronne, elle a bien géré la crise, quoi. Ouais, et puis en plus, elle a été sacrément soulagée quand ils ont annoncé que c'était une grande blague, en fait. Hein. Allez, le mot de la fin. Tolérance, même avec Sylvie qui cumule. Ouais, bah, on va se faire des copains, nous. Hein. Bon, allez, juste pour le plaisir, nous conclurons donc avec cette phrase de Christopher. Et puis ouais, devant les 100 000 euros, ben je me suis dit que mes efforts, ils ont payé, quoi. Je me suis dit que ben, j'étais au fond des choses et que j'ai réussi. J'étais au fond des choses. Voilà, et ça, c'est au fond des choses. Et alors, effectivement, fond, hein. C'est... Ah oui. Ah, ben, l'euro, ça l'excite, hein, toutes ces histoires-là. Hein. Attention, Antoff, tu vas, à mon avis, travailler. Ah, bah, je vais pouvoir aller au fond des choses avec l'euro. Ah, je te confirme. Bon, et on vous avait demandé si vous aviez kiffé cette saison de Mon incroyable fiancé 2. Oui, 2. Oui, number 2. Vous croyez un troisième? Oh, j'espère pas quand même. Ouais. Ah, tant qu'ils font pas. C'était quoi le truc pourri là qu'il y a eu cet été? Secret Story. Love and Bluff. Non, Secret Story. Non. Bien. Love and Bluff. Oh, qui de nous trois, Jack, il faut dire le titre en entier. Ah putain, c'est Love quel scandale Bluff. Ce truc. Oh là là là. C'est une catastrophe. En fait, c'est une catastrophe. C'est d'une merde. Désolé. Hein. Si même son rôle dit, c'est que c'est pourri. Hein. Mais le truc, c'est que l'idée, elle est marrante, mais qu'est-ce que c'est ouais, foutu. Mais voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est trop mal fait, quoi. Bon, écoute, ils sortent peut-être une deuxième. L'année prochaine, ils auront peut-être étudié un peu plus. Ouais, bah en tout cas faut qu'ils arrêtent de tourner ça dans un réfectoire. On dirait que c'est sur la cantine d'une école. Non, mais c'est les Nigérians qui ont produit le truc. Ça, ils ont dû prendre que le strict minimum à 15 000 euros le film. Tu comprends, on peut pas non plus faire. Eux, un truc ils ont de fait ouf. 15 000 euros la saison. Hein. Ça c'est sûr. Bon, il y a Xavier qui est là maintenant de Saint-Tropez. Comment ça va, Xav? Écoute un peu le franchement, mais toi. Ça va. Saint-Tropez, ça va. Bah, tu me poses pas la question. Non, ça va pas. Saint-Tropez, ça va pas justement. Qu'est-ce qu'il y a? Trois, ils ont fermé 3 plages pour cause de pollution. Ah merde. Ah, mais ça arrive. C'est les aléas de la vie. Ouais, c'est ouais. Les aléas du direct. Ça, il s'en fout, lui, là, c'est tous les jours. Ouais, voilà. Les algues de la ville. Les algues, oui. Bon, tu voulais réagir à Mon incroyable fiancé, toi, Xavier? T'as kiffé, t'as pas kiffé? Ben moi, je trouve ça si super sympa, franchement. Je trouve que c'est en plus une bonne émission, ce qui permet en même temps, moi, à mon avis, je pense, de dédramatiser la chose, déjà. De faire passer ses critiques, ses tabous, d'enlever tous ses tabous, de permettre à quelqu'un d'aimer l'autre, déjà. Ouais, par contre, arrête de critiquer parce que quelqu'un est un mec et quelqu'un autre mec, il fait ce qu'il veut. C'est l'amour qui est roi dans les sentiments et c'est pas à l'autre de critiquer. Moi, t'as écrit un discours bien pompeux, toi, avant de partir. Les sentiments. Ouais. Par contre, moi, j'étais très déçu dans l'émission de télé. En fait, il ne dormait pas dans la même chambre. Ah bon? Ouais, et ça, moi, j'ai trouvé franchement que c'était pas bien de la prod, quoi. Ouais, attends, c'est normal. Ils sont pas encore mariés. Ouais, voilà. Ah ouais, mais bon, moi, c'est normal, moi je trouve qu'ils auraient pu se frotter un peu dans le lit tous les soirs. Ouais, mais ils sont pas gays, Toff. Oui, mais juste c'est pas une émission de cul, Toff. C'est ça. Parce que Toff, ils s'attendaient à se palucher, mais non. Ah oui, bah oui, moi j'ai attendu tout le film, enfin toute la saison qui s'enfile et à la fin ils s'enfilent. Au début du générique, il y a TF1 qui nous prend vraiment pour des cons, donc s'ils ont fait une émission comme ça, c'est pour faire de l'audience. Quoi, ils mettent Winnie l'ourson avant? Non, mais attends, ils font il y a tout un écriteau au début du générique qui dit au-delà de l'émission, au-delà de tout ça, machin, nanana, c'est surtout un message de paix et d'amour que nous essayons de faire passer ouais, pour c'est la tolérance. Récupération, quoi. Ouais. Quelle bande de mythos. La tolérance des homosexuels, machin. Bon, toi t'as bien aimé donc alors, Xav? Oui, j'ai bien aimé, effectivement. Oui. Bon, attends, il y a Jean-François qui est là maintenant de Nancy, 31 ans. Salut à toi, JF. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bah, ça va bien. Bonsoir à toute l'équipe. Et puis, bonsoir à Sandro aussi. Bonsoir. Bah, écoute, tout le monde te salue, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on voulait te saluer, mais bon. Merci. Bon, Jean-François, donc, tu voulais réagir, toi, par rapport à Mon incroyable fiancé? Bah, oui, parce qu'en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on se sert d'un média important, parce que TF1, c'est quand même une des premières chaîne de télévision en France, oui. Et pour banaliser quelque chose qui moi personnellement je trouve que ça reste quand même pas normal, donc j'ai rien contre les homosexuels, mais je trouve que mais c'est pas normal, oui. De là, j'ai rien contre eux, mais je veux pas les voir. Non, mais ça me dérange pas. Mais je trouve que pour les valeurs qu'on essaie de faire passer, je trouve pas ça normal de Ça banaliser dérange. Et d'en faire quelque chose de naturel. Parce qu'au départ, ça reste quand même pas naturel. Ça reste pas naturel, oui. Bon, écoute, au final... Oui, il faut mettre un peu de vaseline, mais après, ça passe tout seul. Non, mais enfin, ça reste mon avis. Je pense que je dois pas être le seul à penser comme ça. Mais je trouve personnellement voilà, c'est dommage de vouloir... mais je comprends le côté où on veut faire de l'audience, mais je crois qu'il y a moyen de faire passer d'autres messages que de juste dire que voilà, l'homosexualité, c'est normal. Je trouve pour ma part que non, ça ne l'est pas. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Xavier, toi? Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. Oui, bah ça m'étonne pas, puisque toi, t'aimes bien et lui, il n'aime pas. Donc, évidemment, non, mais... il y a ça, déjà, que j'aime bien l'émission, mais je pense que TF1, maintenant, a voulu faire passer un message d'amour, a voulu faire passer un message contre l'homophobie, qui est quand même une actualité actuellement assez importante. On a assez vu de gens se faire tabasser à cause de ça et compagnie. Et je pense que l'amour de l'être envers l'autre est beaucoup plus important qu'une histoire de cul simplement entre deux mecs ou deux filles. Je suis désolé. Bravo. Sincèrement, je pense pas que TF1 ait voulu faire passer un message contre l'homophobie. Je pense par qu'ils ont à ça, surtout pour voulu... Pour que les gens puissent réaliser, quand tu vois que deux mecs se font critiquer dans la rue parce qu'ils sont traités de PD, je suis désolé. Non mais attends, ils ont surtout voulu faire de l'audience, hein. Va pas chercher plus loin. Hein. Oui, d'accord, il y a ça. Mais il y a quand même un message d'espoir et de paix entre chaque être humain. Oui, mais moi ce qui me dérange là-dedans, c'est ça. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que voilà, moi je suis hétéro, et j'étale pas, même si je suis heureux et que j'ai du bonheur, j'étale pas le fait que je vais aller passer une nuit avec quelqu'un. Ah mais ça c'est le candidat de télé-réalité qui choisit d'y aller ou pas. Hein. Oui voilà, c'est-à-dire que... J'ai l'impression qu'on met l'homosexualité comme une espèce de drapeau, de zone à part. Oui, ils ont voilà, un drapeau, moi, je suis hétéro, j'ai pas de drapeau, j'ai pas d'émission parce que je suis hétéro, j'ai pas de... Enfin, je trouve ça dommage que finalement, en essayant de mettre en avant une différence, on saoule tout le monde avec ça, et voilà, sous prétexte qu'on est différent, on peut s'intégrer en étant tout à fait normal, et c'est pas la peine d'expliquer à tout le monde que c'est quelque chose de normal et on en fait quelque chose de banal. Et je m'excuse, mais je trouve que ça reste quelque chose de pas naturel. Si on avait été fait pour être homo, et ben ça saurait. Mais t'es un peu violent quand même, parce que ça me dérange pas, mais toi tu dis ça me dérange pas, mais au final ça t'emmerde hein, quand même. Et puis je suis pas d'accord, hein, les hétéros avaient leur émission, ça s'appelait l'île de la tentation. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, et puis pour clore, il y a une autre phrase de Louis du 63, une autre phrase de Christopher. La meuf, je la mets sur le transat et je lui mets une sanction. Voilà, donc ça c'était Christopher aussi qui avait une belle phrase très originale. Michael, le podcast. Bon, Vanessa, allez, on va jouer au chéri, je t'ai fait cocu maintenant. Donc le concept du jeu, évidemment, c'est que t'appelles ton mec, tu lui fais croire que tu l'as rendu cocu, bien évidemment. Nous, bien sûr, on fait le show derrière. Et s'il s'énerve, tu gagnes des cadeaux. Concrètement, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on est censé s'être rencontré? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Bah écoute, moi mon but ici c'est quand même de rendre jaloux, parce que ça fait un an qu'on est ensemble, il a jamais été jaloux. Donc d'accord. Oh là, c'est nul d'avoir un mec comme ça. Écoute, si je peux te recommander une très bonne boîte à Lyon, La Péniche. La Péniche? Oui. Pourquoi? On ne pas avec le pénis. C'est une bonne boîte. Et c'est ah d'accord, ok, je crois que c'est un truc en particulier. Non, quoi, t'as des entrées gratuites là-bas? Non, je me suis toujours faire full. Ah. Et tu leur fais de la et pub. Et en plus, c'est bah, non mais c'est normal, ça prouve que c'est une bonne boîte, il laisse pas rentrer n'importe qui. C'est que c'est sélectif, tu vois, c'est bien. Bon, et bah écoute, ok, bah nous on va y aller, il y a nos malaises. Hein. On est censé s'être rencontrés où alors? Bah on s'est peut-être rencontrés au magasin. Quel magasin? Moi je suis quand même commerciale, tu vois, donc je vends des portables. Ah, tu vends des portables, d'accord, ok, ouais. Très bien. Eh bien, dis-moi. Des iPhones qui explosent? Ouais, combien tu vends l'iPhone? Ça dépend, le problème attends, c'est que avec les abonnements et tout. Bah ça dépend, pour toi à mon avis sera moins cher quoi. Voilà, c'est ça. Ah. Moins cher ça veut dire combien? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai des prix en particulier. Non, je peux pas le dire à la radio comme ça quoi. Attends, oh, t'inquiète pas, il va te prendre en antenne. Hein. Il va te passer commande. Non, on va faire du bise. Un débloqué si possible. Oui, bah tant qu'à faire. Non, tu me le vendras à plein pot. À fond les ballons. Eh oui, voilà, à fond les ballons. Il n'y a pas de raison que je paye moins cher. Bien sûr. Bon allez, on y va, on l'appelle Vanessa. Donc je sais pas comment je m'appelle, peu importe. Donc en gros, je suis un client quoi, c'est ça hein. Ouais, t'as été un client. Ouais. Très bien, allez, c'est parti, on y va. Au plus tu le vénères, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Et puis bah lui aussi forcément, ok? Ok. Allez, comment il s'appelle lui? Il s'appelle Jean-Pierre. Ah bah très bien, allez, on y va. On toi, va chez... tu t'appelles comment? Bon, je sais pas, Michel, ça fait longtemps. Ah, Michel et Jean-Pierre, on est bon. Bon, restons dans le lait. C'est la radio des jeunes, hein. Allô. Salut Lapin. Hé hey. Ça comment va tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Lapin. Ouais, Lapin. Dis, je dois te dire un truc. Ouais. Je sais pas vraiment comment te le dire, mais ça me travaille beaucoup trop, donc il faut que ça sorte, quoi. Il fait peur, là. Ouais. Ben, je t'ai trompé. Cash, direct. Non, ça c'est après, c'est avant nous, ça. Tu m'as trompé. quoi, t'as embrassé un autre gars, enfin... Ben, ouais, j'ai même fait un peu plus, quoi. Au début, ouais, c'était des petits bijoux comme ça, quoi, mais après, je sais pas, je me suis laissé aller, quoi. Et tu m'annonces ça cash comme ça au téléphone, t'aurais pas pu venir me voir pour en parler. Non, moi, tu me connais, quoi. Je j'ose pas dire ça. Non, j'ai pas osé, quoi. Je préférerais te le dire par téléphone, quoi. Mais bébé, putain, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, sérieux, là? C'est quoi? C'est un mec que je connais? C'est un pote? C'est un client du bar? C'est qui? Non, c'est un client à moi, en fait. Putain. Mais putain, il était bébé, trop beau. Pourquoi t'as fait ça? Mais il était beau, voilà. Merci, c'est gentil. Sympa pour moi. Non, mais... Putain, mais qu'est-ce que... Je le savais. Franchement, je le sentais. Je le sentais, ça fait une ou deux semaines, là, je te sens super distante. Je te sens bizarre. Moi, j'essaie de faire tout. J'essaie de faire plein de choses pour que ça aille entre nous, parce que je t'aime. Et toi, tu viens tout foutre en l'air. Mais non, mais j'ai rien foutu en l'air, attends. Non, t'as rien foutu en l'air. T'as juste niqué avec un autre mec. C'est rien. Allez, Lapinou, quoi. T'énerves pas. Lapinou. Je crois que c'est corps de con dans le contexte de m'appeler comme ça maintenant. Putain, Lapinou. J'adore. Tu sais ce qui me fait encore plus souffrir, c'est que t'as l'impression, tu me dis ça, mais genre j'ai bouffé des pâtes aujourd'hui, c'est génial. Bon, baby, t'as fini au téléphone ou pas, là? Oui. C'est qui? C'est lui, au fait. J'ai préféré qu'il soit là aussi, pour qu'on en parle. Il est à ton appart avec toi, maintenant? Et tu me téléphones maintenant pour me dire que tu m'as fait cocu, quoi? Tu m'as fait cocu, mais c'est pas en même temps. 10 ans, là, hein. Mais je préfère être honnête avec toi, tu vois, oui, voilà. Oui, mais c'est bon, là, t'as été honnête, et puis maintenant tu vas pouvoir l'envoyer chier. Mais là. Dis-lui de fermer sa gueule, lui, sérieux. Hein, le lapin, là. Attends, tu lui as dit... Je vais lui tirer les oreilles au lapin, moi. Ah, super, super drôle. Calme-toi, lapin. Ben lui, il va fermer sa gueule bien vite. Hein. Il va finir dans la casserole, le lapin. Non. Et il se croit drôle en plus. Ah, tu l'as pris pour son humour, je parie. Ça c'est sûr, il est plus drôle que moi, ça. Lapin. Ta gueule. Je vais lui fermer sa gueule. Va, sors de son appart. Lapin. Tu scannes. J'ai juste envie de parler à toi. Tais-toi, ne te moque pas de mon lapin comme ça, s'il te plaît, parce qu'il est déjà très énervé, quoi. Mais putain, et tu serais quoi? Moi, je te téléphonerais pour dire que je t'ai fait cocu. Et en plus, j'ai la gonzesse, là. Oh, ça va, y a pas mort d'homme. Elle est vivante, ta copine, là. Ta gueule, toi. Sérieux, j'ai mis le haut-parleur, excuse-moi. Ta gueule, parce que je... Lapin, calme-toi, je suis pas violent, ma bébé. Tu sais que je suis pas un violent, mon bébé. Putain, pourquoi t'as fait ça, sérieux? Par contre, lapin, là, il va falloir que tu l'arrêtes de l'appeler mon bébé, hein. Mais toi, tu vas fermer ta gueule, sérieux. Putain, t'as vu des photos de moi? Je suis pas un gringalet, moi, mon gars. Je te défonce la gueule quand je veux, ça va? Oui, bah en même temps, t'as pas vu des photos de moi, hein. Oh, putain. Un petit peu de respect s'il te plaît quand même, hein. Sérieux, tais-toi, passe-le-moi deux secondes, ça va être réglé vite fait. D'accord, attends, Pierre. Ouais. Je te passe lapin. Bon, allô. Bon, t'es qui toi? Je te connais, je t'ai déjà vu. Ouais, je suis le chaud lapin, ouais. En plus, t'es comique. Non, mais vraiment, t'as vu. Bon, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait? Elle t'a dit qu'elle était avec quelqu'un? Lapin, excuse-moi, il faut que j'aille voir la petite. Je te rappelle dans deux secondes, si tu veux, d'accord? Mais putain, en plus. Non, j'ai un petit truc à faire. Il faut que je bois un petit verre pour fêter un truc. Bon, je te rappelle. Allez, bouge pas, ma grande. Mais putain, mais tu vois comment tu te parles ou quoi? Allez, à tout de suite. Voilà, hop, je vais rappeler, on le rappelle après, bouge pas de là, Vanessa. Mickaël, le podcast. Bon, retour avec Vanessa pour le chéri, je t'ai fait cocu. Allô, Vanessa? Oui, très bien. Il a l'air tendu, le petit lapin, là? Oui, il m'a jamais parlé comme ça. Hein. Ah oui, mais c'est normal en même temps, hein. Tu lui as jamais dit, je t'ai trompé. Non, c'est vrai. C'est peut-être voilà, ça le problème. Ça. Bon, attends, je le rappelle. Hop là. Il était chaud comme, comme la braise. Hein. Attends, je l'avais. Dis-lui que tu viens de lui faire son affaire. Allô, allô, lapin. Eh, hey, t'as tué un chasseur ce matin ou pas? Non, sérieux, laisse-moi parler à ma copine deux secondes. Ah bah, tu voulais me parler, attends, tu as dit que tu voulais me parler maintenant que je t'ai au, tu m'as au téléphone, tu veux de nouveau parler à l'autre? Putain, mais tu... Non mais tu charries ou quoi? En plus, je peux pas te la passer, elle est partie chercher à boire. Oh, hé, hey, ramène un truc bien frais, hein. Putain, mais lui parle pas comme ça, sérieux. Non, parce qu'il y a un moment, faut pas décoller, hein. Bon alors. Mais tu débarques d'où, toi? Tu débarques d'où, sérieux? Comment ça, je débarque d'où? Mais t'es qui? Tu la connais? Comment tu l'as rencontrée? Explique-moi tout au moins. Bah rien, on s'est rencontré. Ouais, bah on s'est rencontré avec le téléphone portable, tout le bordel, tu vois, elle m'a montré un truc avec le téléphone, je lui dis ah c'est cool, il y a une caméra, on pourra peut-être faire des trucs, elle m'a dit ah bah ouais, pourquoi pas, parce qu'avec mon mec il se passe pas grand chose, donc après moi si tu veux j'ai continué. Putain. Oui bah ça va, calme-toi une seconde. Mais sérieux. Attention, sinon je vais tuer un lapin. Comment? Ta gueule. Tu m'as l'air un peu tendu, hein. Mais putain, tu crois que je serais comment moi? Tu crois que je serais comment si c'est toi qui... Putain. Non, c'est l'inverse, tu crois que tu serais comment? T'es vraiment con, hein. Oui, alors bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Bon, eh lapin. Putain. Tu veux que je la repasse? Elle est revenue avec les boissons, là. Ouais, passe-la-moi. Et putain, t'as pas mis de glaçon, là. Mais lui, putain, parle pas comme ça. C'est bien une meuf, hein, sert à rien. Ta gueule, putain. Bon, tiens, je te le repasse, là, ton lapin. Ouais, passe-la-moi. Allô, lapin? Ah, m'appelle plus lapin. Putain, ça fait un an que je ferme ma gueule avec toi, ça fait un an que je fourre... Putain, je ramasse tout dans la gueule, je ferme ma gueule tout le temps, et... Putain, pourquoi t'as fait ça, bordel? Hé, hey Jean-Pierre, calme-toi, hein, c'est bon maintenant, quoi. Tu vas arrêter de me parler comme ça, hein, c'est pas parce que j'ai niqué une fois avec un type que tu vas me faire une pareille, quoi. Putain, t'aurais pu me le dire en face, je sais pas, faire quelque... Par au téléphone, bordel! Attends, on se dire en face, c'est ça comme tu conjoint en face, on se voit une fois par semaine, quoi. Alors il fallait bien que je trouve un moyen, quoi. Et puis de toute manière, si je te l'avais dit en face, regarde comme t'es énervé, tu m'aurais peut-être cassé la gueule, quoi. Mais non, il est un peu tendu, mais ça va retomber, là. Fous-le dehors, ce type, s'il te plaît. Ah, il m'entraîne comme ça, non, je le mets pas dehors, finalement. Non, mais de toute façon, j'étais chez moi, là, hein. Putain, t'es chez lui. C'est incroyable, il y a un mec dehors de chez moi. Et en plus, elle dit oui, je vais pas le mettre dehors. Bah oui, forcément. Tu veux respirer? Tu veux boire un petit verre ou... Putain. Jean-Pierre, respire, quoi. C'est bon, là, tu es en train de me faire peur, quoi. Allez, Jean-Pierre. Mais c'est pas toi, je te reconnais pas, sérieux. Je te reconnais pas. Moi non plus, là, je te reconnais pas, Jean-Pierre. Ça va? Putain, tu réagirais comment? Putain, je te téléphone, je te dis que t'es cocu, tu réagis comment? Tu fais quoi? Bah, je sais pas. En tout cas, je m'énerverais pas comme ça, quoi. C'est sûr, de toute façon, t'auras rien à foutre, tu m'as jamais aimé, de toute façon. Ça, c'est même pas vrai. Tu sais très bien. Il va nous verser une larme. Putain, mais lui, putain. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait, bordel? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'on peut continuer comme ça? Bah, putain. Oui, bah, quoi, attends. Putain. Arrête de dire putain, tu sais dire que ça, quoi. C'est ça, c'est vulgo, ça, maman, hein. Arrête, sérieux. Non, mais c'est vrai. Bon, hé, lapin. Putain. Quoi? Oh. Lapin. Quoi, putain, qu'est-ce que tu veux? Oh, reste calme, j'ai une surprise pour toi, j'ai un pote qui est venu. Regarde, je te le passe. Salut, lapin. C'est quoi, il est partout ou quoi? Non, c'est Nikos, lapin. T'es en direct à la Star Academy. Putain, de l'humour maintenant. C'est génial. Ta gueule. On est là tous les deux avec Moustaflo, c'est cool. Mais putain, c'est quoi? T'es un Star Academy, mon chou? Ouais, super. Vraiment con. Ça vraiment, va, y a moyen de reparler à ma gonzesse ou pas ici? Ou y a encore 12 qui attendent derrière? Ça va, mon loup? Bon, hé, hey, lapin, t'as vu, j'ai fait une petite surprise, là. Je t'ai mis Nikos Aliagas. Putain, mais vous êtes qui? Vous rendez compte que vous... Putain. Dans 5 minutes, on appelle Johnny. Bon, Jean-Pierre. Allez, JP, mon JP. Hein? Mon petit lapinou, t'es en direct à la radio sur Énergie, c'était une blague. C'était une blague, lapin. Par contre, Vanessa, faut arrêter de l'appeler lapin maintenant, ouais, c'est comme Blair. Hein. Maintenant que tu sais qu'il est à la radio et que ses potes l'écoutent... Ah, ouais. Elle l'appelle comme il veut. C'est vrai. Ouais, attends, tant que c'est pas toi qui l'appelle lapin. Bon, lapin. Quoi? Bon, c'est Mickaël, c'était le chéri, je t'ai fait cocu, c'est une blague. Et t'as mis une carotte. Voilà. Vous gagnez une canette gratuite. Qui est-ce qui me la paye? Bon, Jean-Pierre. Ouais, putain. Ça va, génial. Ça va, t'es retombé? Mais non, je suis pas retombé, putain. Imagine quand même. Ça, quoi. Bon, bon, vous voyez quand la prochaine fois? Ce week-end. Ce week-end. Ouais. Bon, oui, Jean-Pierre, on a mis un deal. On a mis un deal avec la petite. Ouais. Ce week-end, tu n'auras rien à faire, c'est elle qui s'occupe de tout. Sexuellement, je parle. Oui. Et tu sais, depuis le temps que tu rêvais d'un plan à 3, elle va te l'accorder. Oui, et c'est Toff qui arrive. Ouais. Elle est malade. C'est ça. Elle est pas con. Jamais eu aussi peur de ma vie, sérieux, quoi. Oh, t'as vu un peu Vanessa, ton petit lapin, ouais, il t'aime attends. Bien. Mais non, mais n'empêche, il m'a quand même foutu les boules, quoi. S'énerver comme ça, moi j'avais jamais vu. Oui, il a l'air un peu tendu du string quand même, hein, effectivement. Ouais. Ça boue aussi. Bon, allez, Jean-Pierre, on va te filer une PS3. Jean-Pierre. Putain. D'accord. Ouais. Et puis. Ouais, c'est cool. Et puis, t'as vu, je vais faire un cadeau joint. Et Vanessa, on va te filer Harry Potter, le jeu. Malin toi aussi. Et voilà, comme ça vous pourrez jouer ensemble. Et comme ça, pendant, pas le choix en même temps. Comme ça pendant qu'il jouera, toi tu pourras faire la vaisselle et le ménage. Ou le sucer. Ah super. On pourrait lui envoyer un jeu lapin crétin plutôt. C'est une idée, ouais. C'est une idée. Bon, ouais. Vanessa et Jean-Pierre, je fais des gros bisous tous les deux. Et ouais, puis bonjour à la Belgique, Vanessa et à Bruxelles. Et puis bonjour aux Lyonnais aussi. Ouais, merci hein. Salut à vous deux, à bientôt. Ciao. Bye bye. Ah, il avait l'air tendu quand même malgré toi, le pauvre. Ça m'a fait de la peine, Au final, il part avec une PS3. Oui, et un jeu Harry Potter. Et un jeu Harry Potter, effectivement. Merci Nico, d'être passé, hein. Salut, mon loup. À demain matin, 6h. Non, à dans une heure, là, à l'Ardif. Oui, mais je suis pas là. Oui, enfin, bon, on se comprend, quoi. Allez, bon, allez, salut, Nico, ça. Ciao. Et Nico, c'est avec nous tous les jours, hein. Non mais il faut savoir. Non mais il faut le savoir. Bon allez, il est l'heure maintenant, comme hier d'ailleurs, de s'informer un minimum. Hein. Bienvenue dans le Mac du jour, donc de l'actu condensé à notre sauce. Évidemment, on perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. On attaque avec de la politique. Un sondage Ifop pour dimanche Ouest France qui a dit que Dominique Strauss-Kahn donc est le candidat socialiste préféré des Français pour la prochaine présidentielle. Alors il serait loin devant Ségolène Royal et Bertrand Delanoë, et Martine Aubry n'arrive que très très loin. Oui, enfin tant mieux, comme ça on la voit moins. Hein. Par souci de transparence, soulignons que cette enquête qui consacre DSK a été réalisée sur 100 secrétaires du FMI. Bon, French Life maintenant, selon le chiffre officiel rendu par l'INSEE, la France est championne d'Europe de la natalité avec plus de 800 000 bébés en 2008, soit 2,02 enfants par française. Hein. À savoir que ce pic n'avait jamais été atteint depuis 1981. Voilà. Non mais cherche pas, c'est Brangelina qui ont fait remonter la moyenne. Hein. Sinon moi j'ai juste une question, j'étais en train de faire la fiche des courgeaux, les bébés congelés ça compte? Bon, on passe immédiatement à autre chose, hein, il vaut mieux parfois. En France et plus exactement à Paris, ça y est, un premier automobiliste a été verbalisé pour avoir fumé une clope au volant, 22 euros la clope. Et la pipe c'est combien? Oh. Bon, beaucoup plus sérieux maintenant, drame de l'écologie. Vendredi soir à Saint-Etienne, il y a un jeune homme en fait à qui la petite amie toxicomane venait d'annoncer lui avoir transmis le virus du sida, qui aurait aussitôt décidé de la découper en morceaux. 6 morceaux plus précisément, à l'aide d'une scie à métaux, 6 morceaux qu'il aurait répartis dans des sacs poubelles dont il s'est débarrassé dans les bennes du quartier. Ah ouais, bah ça c'est à force d'en faire des caisses avec le tri sélectif. Hein. On salue le travail des enquêteurs quand même qui ont résolu le puzzle très rapidement. Ouais. Et puis pour terminé avec les titres au lendemain des championnats du monde d'athlétisme, Usain Bolt a fait la fête et l'homme le plus rapide de la planète, improvisé DJ d'ailleurs pour l'occasion, a transformé un hangar basique en une boîte de nuit bouillante à une vitesse record. Une habitude chez Usain qu'on a en ligne en full exclu. Allô Usain? Vous savez Usain qu'à la vitesse où vous courez, vous mettriez 18 heures pour faire Paris-Marseille. Attends, t'es gentil, mais $1 million par an, je gagne, alors quoi, moi, je vais pas me faire chier à y aller en courant. Hein. Bon, Usain, qu'est-ce que vous pensez de vos médailles, alors? C'est un truc de dingue d'avoir battu ces deux records du monde, je remercie la Jamaïque dans la terre, enfin, tu la fournis mes poumons, pendant toute mon enfance, vive la bœuf, vive les enfants, vive la famille, vive les sponsors et vive le KFC. Merde, réponse en 9 secondes 59, mec. Mais Usain, vous êtes pas obligé d'essayer de me répondre en 9.58, hein? Si, man. J'ai le nouveau forfait Bolt Telecom, un forfait de 9 secondes 58. D'ailleurs là j'ai déjà un centime en forfait avec vos conneries. Ouais, mais vous faites tout en 9.58? Yeah man, c'est ça le pouvoir de la Jamaïque. Par contre là, le temps que je te dise au revoir, il est 9 secondes 30, on va arriver au bout, 9 secondes 50. Ouais, salut les nazes, hein. Coup d'œil au chrono, 9,58, yes! Ouais, il parle beaucoup en 9,58. Hein. Allez, on poursuit ce mag avec le con du jour. Le monde étant peuplé de cons, bah j'ai pas inventé, hein, nous avons été dans l'obligation de le recenser pour pas être dépassé par les événements. Et donc chaque jour on parcourt les journaux de la planète pour trouver le mec le plus con du jour. Et aujourd'hui c'est toi qui l'as trouvé, Jack, c'est un Indien. Exactement, mon con du jour habite à New Delhi, c'est une des villes les plus grandes de la planète. Et pourtant vous allez voir, ils font tout en petit à New Delhi. Alors l'histoire commence il y a quelques jours lorsque mon con, Ravi Shubhash, hein, pardonnez mon indien, hein, 10 ans, fait une connerie. Bon, jusque là c'est comme tous les enfants de son âge, hein. Bon, après je sais pas, il a dû vendre un de ses reins, un truc comme ça, c'est des conneries là-bas, c'est différent. Donc son père, pour le punir, logique, décide de lui confisquer son argent de poche. Ouais. Enfin disons ses étrennes, parce que pour avoir de l'argent de poche, il faut des poches. Et pour avoir des poches, il faut un pantalon. Bref, acculé, Ravi trouve immédiatement une solution imparable pour se faire de l'argent rapidement. Kidnapper son professeur. Voilà, donc, en plus son professeur qui n'a que 19 ans. Ah hein, oui, bah normal, oui. Alors il l'a retenu prisonnier chez lui pendant de longues heures. Et bon, vous allez comprendre pourquoi je disais qu'ils font tout en petit, hein. Parce que mon petit con de 10 ans qui a kidnappé son professeur de 19 ans a réclamé à sa famille la somme astronomique de 63 roupies. Ce qui correspond à 1 euro. Ah. Attends, avec ça il s'achète 14 pantalons, je pense, hein. Ouais, tu peux vivre un bon bout de temps comme ça. Ah bah je pense, ouais, aussi, effectivement, ouais. Bon bah c'est bien. Non mais c'est surtout que comme il n'y a pas grand chose à acheter là-bas, ça fait des économies, quoi. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon allez, on passe au sport maintenant avec la France qui, je vous le rappelle, est candidate à l'Euro 2016. On parle de foot, évidemment, hein. Alors pour que cette candidature soit validée, il faut des stades rénovés. Plusieurs sont en cours, Lille, Marseille, mais aussi Bordeaux. En gros, bah, seul manque à l'appel le Parc des Princes, hein, qui en l'état actuel ne peut prétendre participer à cet événement. Du coup, bah, faut rénover, hein. Mais une question se pose dans la capitale. Si la municipalité ne participe pas, comment la direction du PSG va-t-elle financer des travaux estimés à 75 millions d'euros? Bon, ils ont qu'à vendre Kezman, ça paiera les chiottes. Bon, et puis rugby avec Sébastien Bastaro, donc en route vers le grand chelem de la Loose. Le jeune international qui a défrayé la chronique au début de l'été avec sa fausse agression en Nouvelle-Zélande, son démenti en forme de table de chambre, son suicide raté dans la Seine. Le voici qui a contracté la grippe A. Ouais, bah en fait, il lui reste plus qu'à se recycler en joueur de foot, hein, signer au PSG, puis se faire inviter chez Mireille Dumas pour parler de sa dépression, pardon, post-traumatique. Et là, il aura fait son grand chelem. Ouais. Enfin, bon, la commanderie aussi, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille va être rebaptisé Centre Robert-Louis Dreyfus en hommage à l'ancien patron du club décédé le 4 juillet. Une belle initiative, hein, quand ouais, même. Il paraît que la municipalité veut même aller plus loin en rendant un hommage à un autre ancien président. Tous les jardins de la ville vont être baptisés les jardins Bernard Tapie. Ouais. Ouais. Bon allez, c'est fini pour le sport. On passe au bureau de vérification des horoscopes comme hier. Je vous rappelle le principe. Chaque jour, on chope un horoscope donné le matin même dans la presse ou à la radio et on vérifie si on nous a pris pour des cons, en fait, hein. Au crible aujourd'hui, l'horoscope de nostalgie. Alors on commence avec le tien, Mickaël. Tu es donc Bélier. C'est une journée un peu rude et le mieux est de rester à l'écart des tumultes annoncés au travail. Restez attentifs à une question d'argent. Bah rude, ça va. J'ai été bouffé. On m'a offert la bouffe. C'était au soleil. Un petit apéro, il y avait personne tu dans Paris. Ta vie, bah non, mais je vérifie. Donc t'es resté attentif aux questions d'argent. Ah oui, il est ouais, resté ouais, donc ouais, du coup, ouais. Bon bah très bien. Alors on fait lequel là maintenant? Qui est Lyon? Qui est Lyon? Moi je suis Lyon. Très bien. Voici venu le temps d'amour complice, de rencontres sensuelles, célibataires. Vous êtes le cœur de cible de Vénus, l'amour. Alors sortez le grand jeu. Je suis là. Eh bien, je vais le sortir, le grand jeu. Vas-y, sort au grand jeu. Non mais c'est une vanne. Putain, ah, il y croit vraiment en plus. Bon, qui d'autre? Balance. Allez, vas-y. Attends, c'est Balance. Cette journée vous invite à la prudence, ne précipitez rien, sinon gare au dérapage et au travail comme en famille, restez philosophe. C'est important la famille. Alors, c'est l'horoscope à l'année, hein, pour toi. Voilà. Je vais rester philosophe alors. Ah, t'es Balance. Ma journée s'est bien passée. Ouais, il est Balance, ouais. Signe de la poucave, quoi. Bon allez, cette édition touche à sa fin, terminons en beauté avec le quiz du jour. Quel est le magazine le plus dangereux à acheter? Autoplus parce que c'est le premier journal qui se met à la place du conducteur. Cato Magazine parce que c'est le premier journal qui se met à la place de ta capote. Ou Minute parce que c'est le premier journal qui se met à la place des fachos. Minute. Je sais pas, Autoplus, ouais. Bah oui, Autoplus, hein, c'est le premier journal qui se met à la place du conducteur. Donc c'est dangereux. Ouais. Bon, allez, qui a dit j'ai d'excellentes relations avec mes ex? Sauf, mais il mentait. Claude Makélélé, Paris Hilton ou le pape? Claude Makélélé, il a de très bonnes relations avec Noémie Lenoir. Paris, mais c'est pas son ex. Moi, je dirais Paris Hilton. Si. Moi, j'aurais dit le pape. T'aurais dit le pape? Ouais. Ah, moi j'imagine. Vous êtes en train de me dire que Noémie Lenoir est célibataire? Oui. Et personne m'a prévenu. Ouais, mais il casse, il reprenne, on sait jamais. Je suis pas sûr que ça l'arrange, elle. Hein. Si tu le saches. Et donc la réponse? Bah, je sais pas, c'est pas marié. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça doit être Paris Hilton. Ouais, je pense, ouais. Bon, allez, qui a dit c'est un attends, attends. Quoi, t'as, quoi, t'as la réponse ou pas? Bah, une seconde, laisse-moi lire la phrase. Qui a dit c'est un énorme succès d'audience et un phénomène sociologique? Pas Laurence Tort, patron des programmes de TF1 au sujet de Secret Story. Non. Rodolphe Belmer, patron des programmes de Canal+ au sujet du journal du Hard. Non. Ou Sandrine Thuil, patron des programmes d'énergie au sujet de son 21h minuit. Bah, Sandrine, oui. Sandrine. Attends, c'est quoi? Succès d'audience? Énorme succès d'audience sociologique. Ouais, ouais, ouais. Phénomène sociologique et psychologique, oui, mais pas succès d'audience. Non, alors? Si, énergie. Énergie, Toff? Ouais, énergie. Ouais, Sandro. Pour le plaisir, Sandrine. Ouais, eh ben non. C'était, je pense, Laurence Torch, parce que patron des programmes de TF1 au sujet de Secret Story. Parce que tu n'as pas la réponse. Si, si. Voilà, c'en est maintenant terminé de ce mag du jour. Un autre mag du jour, bah, un autre jour. Oh. Voilà. Mickaël, le podcast. Tiens, Roux, puisque tu parles là, il me semble que depuis la rentrée là, je t'ai pas trop demandé comment ça se passait au niveau du muscle. T'as pratiqué un peu là ou... Ouais, vite fait. Ouais. Est-ce que t'as bouffé beaucoup de gras hein? Non, je me souviens que tu parlais aussi de t'acheter un petit iPhone là en juin là. J'ai pas trop demandé où ça en était non plus. Bah, j'étudie le marché de l'offre et la demande là, vite fait. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, j'ai trouvé THE application top pour toi. Oui, le oui. truc parfait sur l'iPhone. Qu'est-ce que tu me saoules? C'est quoi le truc? Alors le truc c'est énorme. Regarde, je vais télécharger pour toi. Ça m'a coûté une blinde d'ailleurs. Tu me dois de l'argent. Hein. Non, je te dois rien du tout. Ah si, je télécharge rien que pour toi. Le truc s'appelle iFitness. Alors iFitness, regarde la petite image. Hein, il y a une haltère sur l'iPhone. Il y a une petite haltère. Donc là, ça load. Et donc le concept en fait c'est énorme parce que tu peux travailler tes abdominaux, tes bras. Alors évidemment c'est en anglais. Hein. C'est tes pecs, les biceps, tu peux travailler. Mike qui monte les. Il monte son épaule. Non, les biceps ici, tu peux travailler donc effectivement le dos, tu peux travailler. L'ischio jambier. Tu peux travailler les jambes aussi, tu peux travailler les épaules, le cardio, bref. Tu fais quoi? Et donc en gros, ça te donne tous les exercices à faire et donc tu as là-dedans un truc qui est comment dire. Relativement énorme puisque tu peux noter dans ton iPhone justement jour par jour combien tu as fait de pompes par exemple, combien t'as fait de trucs avec le poids que t'avais tel jour et donc du coup après ça te fait une moyenne, ça te fait des courbes et tout, c'est pas mal. Imagine hein. À quel point il aime l'iPhone pour te le vendre comme ça. Non mais je m'en fous, après il fait ce qu'il veut hein. Non mais donc, tu l'aimes. Oui non mais j'aime bien ouais. Donc les exercices que t'as fait aujourd'hui, ce que t'as fait les jours passés, il y a 7 jours, il y a 14 jours, tous tes records, etc. Ouais. T'as le moniteur du poids, t'as le BMI calculator, t'as le body measurements, ouais, le c'est blindé predict information. Trop, c'est pas mal quoi, ouais, c'est pas mal. Franchement, en connaissant la parano du roux, je doute qu'il ait très envie d'acheter un iPhone en ce moment. Bah ouais j'avoue, ils arrêtent pas d'exploser les... Non, arrête ton délire là, il y en a que 3 qui ont pété. Mais ouais, en plus il y a même pas de mort donc ça va. En plus c'est même pas 3 là, c'est 2 iPhones et un iPod Touch, celui-là c'est en Angleterre. Ah ouais, celui-là c'est celui où Apple a proposé de l'argent aux gamins pour qu'ils se taisent. Oui. Je dis ça comme ça, hein, petite précision. Mais oui mais bon, c'était pour pas foller les gens. Ouais et puis en plus ça a bien marché dis donc. Hein. Ah oui ça va quoi, le téléphone a fait des bruits bizarres en fait, ensuite il a chauffé dans la main du gamin avant de faire de la fumée et puis d'exploser en volant dans les airs. Bon, rien exceptionnel, quoi. Sinon une grenade ça fonctionne pas de la même façon. Mais oui mais ça arrive que les appareils partent en couille, sinon il y aura pas de réparateur d'appareil. On sent le bon fiston qui défonce le travail de son papa. Non, défonce le travail de son papa, c'est ça. Ouais mais si c'était arrivé qu'une fois là ils explosent tous quand même. Mais non ça va, l'autre ils sont en train de chercher pourquoi il a pété, mais ils vont trouver. Et le troisième alors qui a pété c'est quoi? Ah bah il a chauffé, l'écran s'est fissuré, il a explosé. Oui et bah il y a un éclat de l'écran qui est arrivé dans l'œil du gars. Bon, bon non mais il était très content de son appareil hein, juste avant ce moment là. Bah oui. Non mais sans déconner c'est vrai hein. Et donc Apple a trouvé quoi comme excuse? Il s'agit d'un cas isolé. C'est bien la preuve qu'ils ont un truc à se reprocher. Voilà, c'est aussi simple. En même temps, ça doit en arranger pas mal hein, que les iPhones ils éclatent. Oui. Bah, déjà les gars de Microsoft, ils doivent se régaler. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, ils doivent certainement se régaler, mais pas que. Hein. Sandro n'a pas tort. Il y a pas mal de gens que ça arrange ces iPhones qui explosent. Écoutez ça. Si vous êtes français, presque italien, mais pas trop, et que vous souhaitez l'indépendance de votre île en faisant péter des bombes sur des innocents, il y a un téléphone pour ça. Si vous êtes basque et que vous souhaitez vous séparer de la France ou de l'Espagne en faisant péter des bombes sur des innocents, Il y a un téléphone pour ça. Et si vous êtes taliban et que vous souhaitez éviter que des élections aient lieu en faisant péter des bombes sur des innocents électeurs, il y a un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application. Ignoble. Uniquement sur l'iPhone. Bon, cela dit, il n'y a pas que les groupes un peu violents hein, qu'Apple cherche à séduire avec ses nouvelles applications. Écoutez ce qu'ils proposent de faire aussi de leur téléphone qui pète pour le grand public. Si vous souhaitez dévisager vos proches en faisant passer cela pour un accident afin de toucher l'assurance, il y a un téléphone pour ça. Si vous souhaitez mettre un terme à vos communications monotones et passer vers des discussions plus explosives, il y a un téléphone pour ça. Et si vous voulez faire cuire de bons petits plats pendant vos week-ends camping sans vous encombrer d'un réchaud, il y a un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application e-radiation. Uniquement sur l'iPhone. Pour la mauvaise foi et la récup de blanc foireux chez Apple. Oui, mais la mauvaise foi, c'est une chose. Leur vraie force, c'est de réussir à gagner encore plus d'argent, même avec leur téléphone qui part en couille. Écoutez. Si vous avez peur de prendre feu pendant que vous parlez avec notre téléphone, il y a une application pour ça. Si vous êtes effrayé de ce que vous lisez dans la presse concernant notre téléphone, il y a une application pour ça. Si vous ne voulez pas risquer que notre téléphone explose dans votre poche, il y a une application pour ça. Inifuge est disponible sur l'Apple Store. En fait, il y a une application pour à peu près tout. Surtout pour rattraper nos conneries. Voilà, donc tu vois, il s'excuse indirectement. C'est vrai, il est cool. Ouais, indirectement, il s'excuse. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc, Roux, au niveau de l'iPhone, tu vas y passer là? Bah, oh, je sais pas. Il en parle, c'est sûr. Il parle. Non, en fait, ce qu'il kiffe... Ça fait 2 mois que j'en parle et que je l'achète pas. Non, mais ce qu'il kiffe, c'est que... Parce que ça arrive parfois qu'il puisse pas être dispo pour une raison X ou Y pour un match et que, bah, il peut avoir le résultat en live, quoi. Ah non, ça, je m'en fous. Ah non, bon ça, bah non, mais non. Il me faut un PC pour ça, pour regarder le match. Non, en tu direct, peux le regarder sur l'iPhone. Mais je vais pas regarder un match de foot sur un iPhone. Bah, si t'as rien d'autre, tu seras toujours content. Hein. Mais non, mais j'ai toujours quelque chose, je me démerde, je trouve un cybercafé n'importe où. Bon, bah c'est tant pis. Hein. Écoute, comment tu fais pour regarder des matchs sur Internet, l'Euro? Ah oui? C'est pas disponible là, sur Internet? Si. Il y a des sites qui le mettent en ligne alors. Ah, toi tu regardes. Ah ouais, d'accord. Ah non, je regarde pas, c'est quelqu'un qui le met devant moi, qu'est-ce que je te dis? Ah oui, bien sûr. Alors, de temps en temps, il jette un coup d'œil pour voir le score. Bon, allez, merci à Apple donc de s'être excusé, ça fait plaisir. Et alors le tout dernier qui vient d'arriver aussi à ce niveau-là, c'est un mec de 80 ans qui avait un iPhone, et ça c'est énorme parce que le mec de 80 balais quand même avec l'iPhone, c'est quand même pas mal. Le problème c'est que ça faisait endo tout le temps parce que comme il avait la Parkinson. Non, pas du tout. En fait, endo. C'est annuler quoi. Annuler le en fait, quand en train de taper. Quand tu scoules le téléphone, il y a mais tu comprendras quand t'achèteras un iPhone. iPhone, tu comprendras. Un truc super excluant. En gros, il s'est inquiété parce que, et donc c'est un cas supplémentaire d'ailleurs, on aurait pu en parler aussi plus tôt. C'est donc il était dans la poche de sa veste, et donc il marchait tranquillement. Et puis il a commencé à vibrer et à chauffer, donc il a senti quelque chose de chaud. Et ça l'a surpris parce qu'il a désactivé le vibreur. Ça l'a surpris agréablement au début. Il s'est dit, voilà. C'est mon pacemaker. C'est longtemps. Et au moment où il l'a pris en main, en fait, il y a son écran qui s'est fissuré et il y a eu des espèces d'étoiles qui sont arrivées de partout et bien il marche plus. Il marche plus, oui, je me doute. C'est voilà. Bizarre, dis donc. Voilà. Et donc, et 80 ans quand même le mec avec l'iPhone. Tu sais ce qu'il devrait faire? Il devrait faire une application pour te faire croire justement qu'il va péter. Oh, t'inquiète, ça va arriver. Ah ouais, putain, c'est fort ça. Ah ouais, genre, ça tu, moi. Genre tu rages à fond et tout. Ah et ouais. Puis, t'inquiète, bon, à mon avis. Les rageurs comme Roux qui ont l'habitude de merde, il va le jeter par terre. Je ne jette jamais ce qui vaut plus de 10 euros. Ah oui, bon bah alors ça va. Mickaël, le podcast. Bon, on enchaîne directement avec le question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Oui, bah je suis pour voir si tu triches ou pas. Tu vas t'écouter. Oui, j'écoutais. Ah, oui. Alors j'étais en train de tricher. Pour j'ai déjà fois. Essayé avant, mais j'ai pas réussi à trouver le mot de passe de Sandro, toi. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? De pas faire de la radio avec un chewing-gum en bouche. Oui. Et qu'est-ce que t'en bouches? On fait de la radio. Oui, on fait de la radio depuis 5 ans, ouais. Je vais le jeter tout de suite. Voilà, tant mieux. Bon allez, jouons en question pour une réponse maintenant avec Sofiane qui est là. Salut Sofiane. Salut Mickaël, salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tranquille. Sofiane, 17 ans du 5-9, donc Valenciennes. Eh ouais, Valenciennes. Ouais. Quoi? Regarde le but t'as mis. C'est vrai. Et t'as vu le gardien de Valenciennes, le but qu'il nous a donné? Ouais, mais bon, c'est le troisième gardien en même temps. Oui. Hein, oh. Non, vrai. Voilà, Sofiane, je pense que le roux a tout dit. Le but que le gardien de Valenciennes nous a donné. Ah ouais, mais faut le voir. Ça fait donc deux partout en théorie. Non. Ça aurait dû faire. Non, en théorie. Match. Et attends, non, attends, il y avait un penalty qui a pas été sifflé, main dans la surface aussi. Non, mais attends, si un penalty qui est pas sifflé, c'est qu'il y a une raison. L'arbitre est payé. Ouais, l'arbitre est payé. Quelle mauvaise foi. Ça aurait été l'inverse, on aurait entendu pendant toute la saison. En tout cas, c'est peut-être le troisième gardien de Valenciennes, mais nous, c'est la troisième position qu'on occupe. Non. Qui là ce week-end? On joue contre Lille. Ah, ça va être plus chaud que Valenciennes. Ça va être un autre niveau. Ça va être plus compliqué, ouais. Mais là, vous allez descendre. Non. Si, si, je vous le dis. On va battre Lille. Non, non. Bon, allez, en face, il y a Zaradine. Ouais, salut toute l'équipe. Ça va bien, Zaradine? Ouais, ça va et tout. Bah ouais, ça va tranquille, ouais. T'appelles de Strasbourg, toi? Tu veux jouer avec qui, Zaradine? Avec Sandro. Oh, avec Sandro, très bien. Zaradine et, Zidane. C'est drôle, ça. Et Sofiane, tu veux jouer avec qui? Bah, avec le Parisien, hein. Avec le... bravo. Tu vas voir, on va gagner. C'est un bel exemple de fair play. Mais oui, c'est beau. Du coup, Sandro est déçu, parce que général, c'est le roux qui souffle les réponses. Sauf que là, comme bien joué, bravo. Comme il joue face à face. Je vais gagner haut la main. Ouais, on va voir. On va voir. Allez, on va poser des questions comme d'hab. Sofiane et Zaradine, premier qui est la bonne réponse. Donne son nom bien fort. Et excusez-moi, mais j'écoute en même temps ce que Leroux et Sandro se disent afin de vérifier s'ils ne trichent pas. Donc parfois c'est un peu perturbant. Elle est pour vous cette question. D'accord. Ouais, effectivement. Allez, on y va. Premier qui a la bonne réponse, donne son nom bien fort. Allez, Zaradine. Attention, Zaradine. Zaradine. Ouais, je te fais confiance. Bon, Sofiane, Zaradine. Sofiane joue avec Leroux, Zaradine joue avec Sandro. On y va. Ah oui, mais enfin bon, une seconde. Il est en train de se dépioter le nez, il faut pas tout faire. Non, je me gratte ici, là, j'ai une nique chatouille. Je m'appelle pas Toff, hein, je suis pas dans mon pif ou toutes les 30 secondes. Et si tu cherches un peu trop, tu mets moins un direct, hein, comme ça t'as pu ronger le petit. Hein. T'auras moins un, Sandro. Non, non. Bien fait. Pour balance. Bon, et on y va, zéro partout. Attention, vous êtes prêts? Prêt. Score à zéro. Score à zéro, tout à fait. Top. Inconnu il y a encore quelques années, je suis aujourd'hui la star incontournable de votre pantalon. Enfin seulement si vous me rangez dans votre poche. Vous? Parce que si vous êtes... Oui. L'iPhone. Bonne réponse. Car si vous êtes une fille, je serais plutôt la star de votre sac à main. Comment t'as pu trouver ça direct? Non, pantalon. Mettre le téléphone dans la poche. Et comment vous venez de parler de l'iPhone? Non, non, même pas, on n'en aurait pas parlé, je sais. Ouais, parce que t'avais les réponses. Non, bah non. Attends, je suis la star du pantalon. Non, Sandro, arrête de chipoter pour une fois, il y a la bonne réponse. De malade. Je suis la star du pantalon. Je veux pas juste faire... Je suis la star du pantalon. Je suis la star du pantalon. Tu penses à l'iPhone, toi, non, Mike? Non, alors, je vais dire pourquoi. Un jour, un mec qui vient et dit « Je suis la star du pantalon », tu vas lui dire « L'iPhone ». Je vais dire il pourquoi. Il est bon, ce candidat, là. C'est juste que je sais... Oh là là là, ah, il est bon, Julien. Je sais que Toff en a écrit, et que connaissant Toff, c'est ça. Ouais, je m'incline devant le savoir et c'était ça. Et la connaissance. Faut pas dire qui écrit. Donc je continue. Donc non, je ne suis pas un produit miracle qui va vous permettre de rencontrer l'âme sœur et je ne suis pas un God Michel. Je vous ai dit que je suis très connu. Je suis même un centre d'intérêt pour Michael. C'est vous dire mon importance, bien que je suis un objet électronique de la vie de tous les jours. J'ai été inventé par une pomme déjà entamée. Je suis multifonction, je peux servir de journal, calculatrice, GPS, appareil photo. La seule chose que je ne fais pas encore, c'est ces toasters, mais je sers avant tout à téléphoner. Je suis l'iPhone. D'ailleurs Apple avec la plus qu'on vous fait, je pense qu'il serait bon d'offrir un iPhone à moi. Alors t'as déjà c'est un peu con. Mais non, vainqueur. Et j'offrirai le vieux que j'ai à roue. C'est très gentil. On continue avec un match viril. Oui, viril, oui, puisque Sandro ne met pas de points pour l'instant. Hein. C'est trop difficile. Ça va venir, attendez, oui, c'est trop difficile pour elle. Hein. Allez, deuxième question, pour l'instant c'est Sofiane qui gagne. Deuxième question, vous êtes prêts? Prête. Ouais. Ouais. Attention. C'est pour toi Sandro, c'est là. Top, j'ai vu le jour en 1997 entre deux bédos et un space cake. Et oui. Sandro. Oui. Bah Winnie. Non. Là d'où je viens, la consommation de stupéfiants est autorisée. À l'origine, je portais un nom anglais tiré d'un livre écrit par un parano qui pensait... Oui, Sofiane. Bob Marley. Non. Qui pensait qu'un jour, on serait tous espionnés par des caméras depuis mon arrivée Sandro. En France. Oui. Bah non, Secret Story. Bonne réponse. Elle est surprise. Hein. Ah, je croyais pas. Si je peux me permettre, elle a dit banan. Oui. Elle n'a pas validé sa propre réponse. C'est vrai. Sandro. Oui. Secret Story. J'ai dit mon nom avant. Donc en France, depuis mon arrivée, j'ai changé plusieurs fois de nom et mon concept a évolué, mais j'ai toujours gardé le même présentateur, un peu maladroit. De toutes les émissions de ce genre, je suis la pire et la plus manipulatrice depuis le début de ma troisième saison. La voix ne sait plus quoi demander d'immoral à mes candidats pour faire grimper l'audience. Je suis donc Secret Story, wow. Un partout. Voilà. Et oui, voilà. Troisième question afin de départager maintenant. Vous êtes prêts? Prête. Ouais. Attention. La prochaine fois sera la bonne, c'est sûr. Oui, oui, forcément. Et attention, top. Mon nom de famille est... Je vais pas le dire parce que ça pourra vous donner. Mais après avoir remporté le titre de Miss Élégance, j'ai changé pour prendre un nom plus noble avec une particule. J'aurais pu prendre le nom de mon mari, Louis Poirot, mais il est encore plus naze que le mien, bien que j'ai longtemps soutenu Arlette Laguillier. Dans son combat contre les patrons, j'ai assez facilement accepté le salaire de 5000 euros pour emploi fictif à la tête d'une élection du Miss Truqué. Pourquoi? C'est facile. On m'appelle la dame au chapeau... Sandro. Geneviève de Fontenay. T'as triché en sur la ville. Eh, ça va, t'as dit la dame au chapeau, on me rend pas pour une neuneu quand même. Oui, enfin bon, ça juste, va, hein. Juste avant tu dis ouais c'est mort, je l'aurais pas. Non parce que tu disais des politiques et moi c'est je suis nul en politique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est exactement, voilà, c'est gagné. Et pour occuper ma retraite, je passe mon temps à prendre la tête avec les anciennes participantes, juste parce qu'elles ont fait des photos un peu dénudées. Je suis donc Geneviève de Fontenay. Ici, je range mes feuilles. Non mais c'était un match tendu quand même. Hein. Ah oui. Très tendu. Et Julien qui se réveille 2 heures après. Bon, c'est gagné Zaradine, grâce à toi. Zaradine. Ouais ouais. Parce que t'as quand même donné beaucoup de réponses. Ouais, ouais. Et beaucoup de bonnes réponses. Non mais c'est vrai. Sofiane, t'es au top, tu représentes ton équipe, t'as perdu. Oh là là. Espèce de bouffon. Rigole, merci Sofiane. Sandro. Ouais. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Bon Zaradine. Ouais. On va te filer. Micha, est-ce qu'il reste encore des consoles? Ouais ouais, ça peut se faire. Non bah si ça t'emmerde, dis-le. Non mais enfin oui, ah, ça je peux la filer quoi. Le temps que je l'envoie d'Afrique, ça va mettre un peu de temps. Hein. Oui, c'est pas grave. Je peux l'envoyer, c'est de l'avoir. Pas de problème. Bon, Zaradine. Oui. Tu veux une console ou pas? Je te donne pas la marque. Bah ouais. Une Atari. Eh ben c'est une Atari effectivement. Oh, bravo. Ouais, bravo. Chat. T'as trop de la chance. Tu sais que ça vaut cher une Atari. Game Gear. Ça vaut cher. Mais ça c'est les Goliots qui rachètent ça cher. Si vous voulez j'en ai une à vendre. Combien? Je sais pas cher. Encore. Je vais la mettre sur eBay. Bon, Sofiane c'est perdu. Zaradine, tu repars avec la PS3 et avec le jeu Harry Potter. Putain, on peut pas faire le cadeau de Sofiane deux fois et perdre dans la semaine, c'est relou. Oh, ça va, roue. À quoi? Te la ramène pas, c'est parce que le PSG a gagné pour la première fois de sa vie. Non, mais c'est... il était fair play, il a voulu jouer avec un Parisien, je trouve. Ça, je trouve c'est ça vrai, eh ouais, mais c'est pas pour ça qu'il doit gagner. Bon, salut tous les deux. Salut, s'il vous plaît, je peux taper une dédicace. Ah, c'est soit ça, soit la PS3. Hein. Non. Ah si, il faut choisir. Ah bah encore la PS3 hein. T'as vu un peu comment il pense à ses potes? Heureusement, celui qui choisit la dédicace c'est un peu con hein. Bon allez vas-y, fais la dédicace Zaradine. Ouais, je voudrais passer un salut à Arthur, Mohamed et Selman qui m'écoutent. D'accord, voilà. Bah écoute, le message est passé, pas de problème. Bon. Salut à toi. Salut. Allez ciao, surtout pour 3 dédicaces, ça aurait été con de passer à côté de la PS3. Mickaël, le podcast. Bon, j'ai une petite question, tiens, on va voir si vous y connaissez un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est pardon. La soirée des mots bouffés ce soir. Ah ouais, ce soir, ouais. Vous connaissez McAfee? Ah bah non. McAfee, oui, McAfee. C'est le nouveau café de chez McDo, non? Non, ça n'a rien à voir avec McAfee, c'est un virus. Un antivirus, c'est un virus. Ouais, bah, n'importe c'est... quoi. Ouais, c'est un antivirus, ça que je veux dire. Ça tombe bien avec la grippe et tout, je suis content qu'ils aient enfin trouvé un remède. Hein. Mais Tof, tu fais exprès, putain. En plus, il connaît. En plus, il connaît, donc là, il fait vraiment le con pour faire le con. C'est pour les PC et les ordinateurs. Et ouais. Je précise bien PC. Ah oui, mais je savais pas que la grippe, ça contaminait les ordinateurs. Voilà. Et donc, McAfee, donc, en fait, a publié un classement People très particulier. Les stars qui utilisent le plus un ordinateur. Non, c'est le classement des personnalités les plus dangereuses d'Internet. Ah, y a des serial killers sur le net, alors. Mais ça veut dire quoi, les personnalités les plus dangereuses d'Internet? Bah, c'est pas compliqué, en fait. Les pirates informatiques, donc, utilisent des photos ou des vidéos de stars que tu peux télécharger. Mais dans ces fichiers, en fait, il y a des virus et des chevaux de Troie. Ah, tu veux parler du virus informatique, en fait. Voilà, des virus, donc. C'est ce que je disais, ouais. Donc McAfee publie le classement des personnalités où tu as le plus de risque d'attraper un virus. Et d'après vous, qui est le numéro 5 du classement? Sarkozy. Non, non, au bout du d'un côté. Il est même pas dans le classement. Même Carla n'est pas dans le classement. Hein. Ah, mais ça doit être Angelina Jolie, non? Non, Angelina est 8 ex-aequo avec Megan Fox. Oh tiens, bizarrement. En fait, ça suit les gens les plus célèbres. Voilà, et donc à la 5ème place, donc on a Jessica Simpson. Moi, je veux bien me faire contaminer par Jessica Simpson. Vraiment, elle veut. Pas moi. Donc à la 4ème place, je vous le donne sans vous demander votre avis, parce que bah vous risquez de pas trouver, c'est Tom Brady. Oula, c'est qui Tom Brady? Bah en fait c'est un joueur de football américain qui est surtout connu pour parce qu'il est marié en fait avec Gisele Bündchen, top modèle brésilien. En fait je crois qu'on dit Bündchen. Bündchen, oui. Elle Gisele. Elle a vraiment un prénom et un nom de merde. De merde, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, oui. Passons à la troisième personnalité la plus dangereuse du net. Attention. Il est dangereux, je suis sûr que tu peux sentir son haleine sur internet. Bon non, une vraie personnalité, pas ça. Si je vous dis Friends, vous me dites. Jennifer Aniston. Oui, ça va, bravo Jack, effectivement. La troisième star la plus dangereuse du net, c'est Jennifer Aniston. Elle est au taquet. Hein. Friends m'excite en général. Bon, même Joey m'excite. La deuxième personnalité est très proche de Jay-Z. Beyoncé. Exactement, et toi aussi il t'excite Beyoncé. Jay-Z. Hein. Plus Beyoncé pour le coup. Ah d'accord. Bon, pour la personnalité la plus dangereuse du net, je vous donne un indice, c'est une fille. Ah ça c'est un bel indice. Ouais. Je sais pas, Melissa Torio, mais j'ai envie de dire que ça doit être aux États-Unis. Non, elle est plus jolie. Hein. Ah bah moi. Non, pas Sandro, t'es rigole ou quoi. Bon allez, je vous donne la réponse. La personnalité la plus dangereuse d'après le classement de McAfee, c'est Jessica Biel. Biel, oui. Donc faites attention, hein, si vous téléchargez des images ou des vidéos de Jessica Biel, en fait, il y a peut-être des virus dedans, voilà. Et c'était qui avant Jessica Biel? C'était Brad Pitt qui est passé 10ème du classement d'ailleurs. Ah oui. Il n'attend plus personne. Ah bah là il a pris un peu trop tard. Hein. Mais, on parlait de Mélissa Torio, là, le roux parlait de Mélissa Torio, elle va venir dans le 6-9, j'ai vu. Ah bon? Ouais, moi aussi. Toi aussi tu vas aller dans le 6-9? Ouais, mais juste pour la voir. Oui, mais est-ce qu'on va t'accepter dans le 6-9, c'est la question. Waouh, il y a des vitres, hein. Au pire je me collerai et puis je regarde. Quelle horreur. Fais gaffe à pas lui faire à ne pas lui dire à demain, un peu mal le prendre. Nul, Rose. Ah putain, je me suis forcé violent là. J'ai tout donné là, Rose, mais j'ai pas pu. Eh ben ça c'était une belle vanne. N'expliquera pas cette vanne. Heureusement qu'il y avait cette vanne là, effectivement. Bon, on en parlait en début de semaine avec Nico justement, puisqu'on était dans le 6-9. Là, Johnny Hallyday est en vacances à Saint-Barth et il y a des photos qui circulent sur le net de Laetitia. Fais gaffe au virus, on sait jamais. J'ai vu, elle est nue sur la plage. Ouais, c'est vrai, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Bah moi je les ai vus aussi, je me suis un peu branlé dessus. Oh là là, putain. C'est dégueulasse. Bah, attends, je te dis ce que j'en ai fait, c'est la vérité, bon, c'est tout. Donc le plus drôle c'est le nom de la plage en fait où ils ont pris les photos qui s'appelle la plage des Flamands. Il y a oui du bon soir. Ah, oh, Maître Peters. Ça faisait longtemps. Vous allez bien? Ah bah oui, je vais du très bien, mais vous dire le flamand, alors je viendrai moi. Oui, je non mais du lin quand il y a du flamand. Non, en fait, on a parlé de la plage des Flamands. Yeah, oui, je reviendrai de vacances, oui. Tu parles toujours aussi bien français, toi. Oui. Ah oui, je fais du effort, hein. je suis dans le... Et vous étiez où à Saint-Barth, alors? Donc ça veut dire que... Non, parce que sinon, il va s'étaler. Non, mais on le connaît, il s'étale toujours pendant 1000 ans. Je connais pas du Barth. Je suis parti dans le caravane avec le Sud. Vous étiez où dans le Sud? Ah, le Marseillaise. Stop! On a eu la réponse, c'est bon. Marseille. Oh mais sois pas violente comme ça là. On a pas des vacances Marseille. Oh roux putain. Si hein, on a mis le caravane comme ça dans une grande chambre de patates qui est en réflexion là. Comment déjà? Le vélodrome. Oui, parce qu'en fait il y a une partie comme ça, elle est un peu cassée. Ouais c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Il rénove. Bon et vous avez fait quoi? Ah bah quand tu vas le Marseillaise, tu joues avec le boule hein. Ah, vous avez joué aux boules de pétanque? Ah, bah non, hein, c'est on a joué avec le boule, hein, donc c'est avec mes boules que j'ai joué. Hein. D'accord, oui, bon, je comprends pas. Vous étiez avec votre femme Lisbeth? Ah non, c'est mon fille, hein, c'est Kathleen, mon femme. Hein. Ah oui, c'est vrai, voilà. Oui, donc vous êtes partis tous ensemble alors? Ah oui, les Flamands, c'est toujours comme ça, hein, c'est dans la famille, hein, parce que comme ça fait du moins cher pour le voyage. Hein. Mais le Marseillais, c'est bizarre, il parle avec un accent que je comprends du pas très bien. Hein. Ah, quoi par exemple? Ils disent toujours enculé, alors moi je croyais que ça voulait dire bonjour, alors une fois j'ai dit enculé et j'ai pas compris, après le mec il venir comme ça, il tapait moi avec du force violent comme c'est ça. Normal, c'est une insulte Maître Peters. C'est une insulte, c'est comme ah si je vous dis... Pour la prochaine fois, je saurai. Hein, alors le truc bizarre de Marseille aussi c'est qu'ils ont volé mon caravane. Hein. Oh, ah bon? Vous avez fait comment? Ah, je suis parti voir la police, mais... ils n'étaient pas là, ils étaient en train de faire l'appareo. De faire un pareo. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous racontez, un pareo? Il y avait des femmes, c'est ça? Non, mais c'est quoi le pareo? Non, c'est pas du ça. Ils étaient comme ça devant le commissaire. Et ils avaient sorti une petite table et ils avaient un, comment ils appellent ça, du pastigo, du pastis. Ah oui, non, c'est l'apéro et vous avez bu du pastis. Oui, c'est ce que je dis, oui. Non, oui, ouais, d'accord, ok. Bon, c'est pas ce qu'on a compris. Bon, est-ce qu'on a retrouvé la caravane? Ah oui, oui, oui, oui, c'est ça, oui, je l'ai retrouvé du là, hein, mais comment dire, je l'ai mis mon femme et comment dire, c'est souvenu où je l'avais laissé. Hein. Ah oui, donc vous êtes juste con, vous avez oublié où vous l'aviez garé, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a une application pour ça. Pour retrouver mon caravane? Oui, enfin la voiture, enfin bon, pas un peu. Oui, parce que moi j'ai une Nokia 3110. Ça marche aussi ou pas? Non, là-dessus, non, ça marchera. Vous pouvez jouer au petit serpent, mais. Non, c'est d'ailleurs étonnant qu'il marche encore. Hein. Oui, ben en fait, j'ai le problème avec le truc. La batterie? Non, le bouton d'en haut là. Non, tu sais que tu valides comme ça. Oui, la Navi Touch. Oui, voilà. Eh ben, en fait, ça marche plus. Donc, pour décrocher, c'est du difficile. Ah oui, bah, c'est compliqué. Oui. Bah, il décroche pas. Plus. Voilà, en gros, c'est ça. J'écoute mon répondeur sur la cabine. C'est bien de voir ça. Et en plus, il se fait carotte parce que du coup, il est... comme il peut pas décrocher, il est obligé d'appeler les gens à chaque fois. Bah, c'est lui ça. Qui appelle. Mais c'est oui, du portable. Coup. Oui. Maître Peter, pourquoi vous achetez un truc comme ça? C'est pour rester génial. Oui, mais c'est cool, c'est un beau beeper au final. Bah, enfin, il s'allume du toujours. Hein. Alors je le garde. Je vais pas acheter une nouveau comme ça juste pour le plaisir. C'est le timbre. Non, il s'allume, mais il y a un moment s'il sert pas, à quoi ça sert de le garder, Maître Peter? Il sert. Je sais quand j'ai reçu l'appel. T'as encore le jeu du serpent dessus? Ah oui, mais je peux pas jouer hein, parce que je peux pas faire valide. Ça sert vraiment à rien. Ouais, ça c'est sûr. Hein, bon, Maître Peters. Oui, oui, oui. Vous oui. avez prévu de rentrer sur Bruxelles là ou non sur Antwerpen? Ah oui, oui, bah oui. Là maintenant, lundi c'est le retour dans le barreau, hein. Dans le barreau. Ah oui, au barreau d'Anvers. Il est avocat. Hein. Oui, il est avocat. Oui, on s'en rend pas bien compte hein, toujours. On s'en rend pas souvent bien compte, effectivement. Je comprends du pas ce qui te fait croire, pas du voir que je suis avocat. Hein. Ben, mais si tu veux, le prochain fois, je mettrai mon truc noir avec le machin blanc. Hein. Ouais. Ton costume. Noir avec le machin blanc. Comment on dit en flamand? Rock. Rock. C'est une robe. Ah oui, c'est du ça, oui. Ah, Zwarte Rock. Ya. Ah, d'accord, ok, très bien. Roux, Zwerterok. Zwerterok. C'est une robe noire. Une robe de merde. Comment on dit black metal aussi. Parce que on donne des cours de flamand en roux. Hein. On va voir, c'est le petit examen de l'année dernière. Le cinéma. C'est ça que je me rappelle. Le bioscope. Mais peut-être vous voulez voir mon photo avec les vacances? Non. Non, parce que tu dois avoir une tête de con, sans doute, dessus. Non. C'est dommage parce qu'on est passé par le Cap d'Agde. Ouais, oh là il y a là, des ouais. arrière-plans que c'est pas trop mal. On imagine, ouais. Roux, encore une petite question comme ça. L'avion. Air France. Non. Air France, qui est ce commence pas par attends, une V. Attends. Par une V. Ah oui. Vlichtig. Oui, yeah bravo, le Roux. Prima. Ouais. Ça veut dire que c'est si j'ai pris Vistus m'a escapé. Ah, la compagnie d'aviation. Ah, oui. Putain, bien. En fait, c'est Jack qui m'a soufflé. Et j'ai dû trop mal le prononcer. Heureusement, il m'a soutenu, quoi. Ah oui, la compagnie d'aviation. Oui, j'ai pris. Le roux est bilingue. Yeah. Et comment on dit un paquet de frites? Frites Park. Ah, non, un paquet de frites. Ah, t'es con, Jack. Bon bah très bien, il y a d'autres mots comme ça ou qu'on lui avait posé l'année dernière? Non, c'est pour l'examen hein. Pour l'examen, j'ai eu mon bac. C'est pour l'examen de la langue, le flamand. On peut lui apprendre sac de couilles. Vas-y. Claude Zach. C'est facile. Claude Zach. Bon, Maître Peters, vous lui donnerez quelques petits cours pour l'année prochaine? Oui, bon, oui, ça va aller. Je lui expliquerai comment se sortir dans le quartier rose. Hein, hein? Oui, dans le rouge. Hein. Oui. Ah, rouge, yeah, oui. Ah oui, d'accord. Oui, pas rose, rouge, oui. Bon, très bien, parfait. C'est parce que les vitrines, elles sont roses, mais en fait, c'est rouge. Bon, yeah. Mes amitiés à la famille. Bi. Très bien, et vous embrassez tout le monde. Au revoir, Maître Peter. Oui, bonsoir. Hein. Mais en fait, Johan, comment va-t-il? Ah, il va du bien, oui, oui, oui. Il était pas à Marseille, vous avez justement. Des nouvelles, hein. Si, c'est pour ça qu'on est allé chercher, lui, hein, parce qu'il fallait le ramener après. Hein, oui, parce que il est revenu, là. Ah oui, oui, j'ai payé un fois le TGV. Hein, pas deux, ah oui, hein. Oui, pour aller Et vous avez logé où, à Marseille? Attends, la caravane. Au camping? Ah non, je t'ai dit, hein, on a mettre sur le champ de patates. Ah oui, ah oui, c'est écouté. Ça au vélodrome, voilà. Oui, c'est bien ce qu'on te reproche, pour que tu n'as pas écouté. Bon, merci Maître Peters. Oui, de rien. Oui, alors, mais c'est bien parce qu'il le dit bien, mais après il faut qu'il se corrige en disant de la merde. C'est de rien et pas du de rien. Mickaël, le podcast. Bon, the POLO show now. Oui, bah. Go. Salut Polo, c'est Dikos. Tous les soirs après la Star Academy, j'écoute le Polo show. C'est encore mieux qu'avec mes loups. Merci à Nikos de s'être prêté à cette grande mascarade qui est le Polo Show. Bienvenue à tout le monde, j'espère que ça va bien. Je me posais des questions tout à l'heure, j'étais aux toilettes et je me suis dit que je vais pas faire le Polo Show toute ma vie. Le public est là, pardon public. Ah, bravo Polo, un public un peu mou ce soir. Donc je disais que je n'allais pas aller faire le Polo Show toute ma vie, que je voulais devenir artiste. Hein. Ah, ça c'est bien non? Ah t'aurais voulu artiste. Être un artiste? Non pas voulu mais je vais devenir artiste. Ah tu c'est fait. C'est fait. Genre faire quoi des... tu vas faire quoi? Artiste peintre. Je vais faire une grosse merde, dessiner des grosses merdes et gagner de l'argent et dire aux gens mais tu comprends pas c'est de l'art. Voilà. On commence tout de suite le Polo Show qui est là. Oui bonjour Polo. Bonjour. Je suis Nance Paolini, directeur de programme de TF1. Ouais et oui, je voulais prévenir tous les parents de France de ne pas mettre leurs enfants devant Winnie l'ourson demain d'accord. matin. Hein. Bah c'est génial. Oui, parce que maintenant qu'il a retrouvé sa queue dans l'épisode de demain, il va aller à la pêche au moule avec Darby. Ensuite, il ira chasser de la belle belette bien touffue et il va finir en allant cueillir des petits abricots tout jeunes. Eh bien merci Nonce. Je t'en prie. Et c'est ton vrai prénom Nonce ou c'est juste oui, pour non, se c'est mon prénom, Paolini. Ah, ok, au revoir Nonce, ciao. Jingle s'il vous plaît. Hey what's up, this is Matt from Bullet for my Valentine and you're listening to the Pop Polo Show. De retour dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien, le public est là en folie, en folie. Ouais bravo ouais. Bon super. Qui est là? Allô? Oui? Allô mon chéri, c'est Jean-Claude. Oh là là là là. Du Peking Blue Bird. Ouais, qu'est-ce que tu veux Jean-Claude? Vite! Ah ben non, moi j'ai passé. Enfin, j'ai du temps, mais j'ai pas envie de t'écouter. J'ai passé un été de folie, mon chéri. Qu'est-ce hein que t'as fait? Ah ben maintenant, on pourrait faire atterrir un A380 entre mes fesses. Hein. Rappelons que Jean-Claude est, aime les hommes qui aiment les hommes, et Jean-Claude est patron d'une boîte de nuit. Je pense pas qu'il faille le rappeler. Hein. Si, c'est toujours important de replacer l'église au milieu de... Ah bah oui, là j'ai fait du village. Ma délocalisation à Saint-Trope, un fucking Blue Boy Beat sur la plage tout l'été. Oh là là, ça ramonnait. Oh là là, quel cochon. Mais je t'appelle pas pour parler de mes PCE. Hein. De tes quoi? Mes PCE. C'est quoi PCE? C'est mes plans cul d'été. Ah d'accord, vas-y. Bon, enfin voilà, non, je t'appelais pour te dire que j'ai écouté l'émission, tu sais, juste avant toi, là, warm-up avec Micklin. Le warm-up avec Micklin. T'as vu, c'est pas terrible, mais ça a le mérite d'exister. Bah oui, et en plus, bon, il parlait de l'émission, là, sur TF1, mon incroyable fiancé. Ouais. Et ben, j'étais super déçu. Pourquoi? Mais ils se sont pas mariés à la fin, c'était pour rire. Les hommes ne se marient pas entre eux, tu sais très bien. Hein, on est dans un pays sérieux quand même. Moi je croyais qu'à la fin ils allaient vraiment les enfiler, nous faire une belle brochette. Ils allaient vraiment quoi? Qu'ils allaient vraiment les enfiler, qu'ils allaient nous faire une brochette, là ça a servi à rien cette émission. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, Jean-Claude appelle les gens qui s'occupent de ces émissions, pas moi. Bah oui, mais bon moi je suis pas le service après-vente des émissions. Ben voilà, non, mais appel je voulais juste passer mon coup de gueule et te dire que j'étais très très déçu. Hein. Ouais. Voilà. Bah allez, casse-toi. Qui est là? Bonsoir, c'est Roger, vendeur d'iPhone, réparateur automobile et mécanicien. Bonjour Roger. Bonjour Polo. Roger, ça va? Oui, ça va. Tu prends des cachetons, tu fais des trucs? Non, pourquoi? Non, vas-y. C'est ta vraie voix ou tu te caches? Oui, c'est ma vraie voix. Ah, vas-y alors, excuse-moi. Non, c'était simplement pour te dire qu'en tant que vendeur d'iPhone, réparateur automobile et mécanicien, je viens de créer une application pour toi. C'est quoi? Comme ça, on peut t'écouter partout, avec l'iPhone. D'accord. Ça s'appelle Inaudible. pas mal, Robert. Ça, c'est... Tu me l'envoies ? Je te l'envoie, Polo. Ok, c'est gratuit, j'espère. Oui, c'est gratuit. Dommage c'est de pour payer toi, une merde comme ça, hein ? C'est pour toi, c'est cadeau, c'est parce que je suis vendeur d'iPhone, réparateur automobile et mécanicien. Ça avait compris. Bon, si tu veux rajouter quelque chose d'autre, dire un coucou à tes amis ou... Je suppose que t'as pas d'amis. Non. Bon, allez, casse-toi. Tu vas ou j'y vais ? Bah, tu vas aller casse-toi, je me suis déjà cassé. Moi, je suis comme un iPhone, je casse. Oh, la vanne de merde, allez, casse-toi. Qui est là ? Oui, c'est Fernand. Qui ? Fernand. Qu'est-ce que tu veux, Fernand ? Bah, écoute, j'ai tourné un scoot tape. Un quoi ? Un scoot tape. Ah, d'accord, c'est comme une sextape, mais avec un scooter. Avec un Donc, scooter, tu ouais. Tu t'es enfilé un scooter. Tu sais, Polo ? Quoi ? Sur le scooter. Ouais, Fernand. Quand je me suis filmé. Ouais. Dessus, j'ai fait des positions. Oh là là là, quel cochon ce Fernand alors. Bon. Je voyais bien tes grosses couilles claquées sur ma oh selle. Là là. Oh, t'es dégueulasse, Fernand. Fernand, t'es dégueulasse, Fernand, t'es dégueulasse, ouais. Bah, quand je pense à Fernande, tu fais quoi ? Bah, je sais pas. Bah, c'est toi ma Fernande, donc oh, je bande. Oh là là, c'est pas... Bon, Fernand, tu nous envoies la scoot texte ? La scoot tape. La scoot tape ? Ouais, bon. Ok. Bah écoute, je me filme un peu ce soir. Ah encore. Ouais, mais nu avec un string et tu te touches, hein. Sinon ça n'a aucun intérêt. Bah Polo, tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Tu crois que c'est pas un petit doigt qui va m'arrêter, Polo ? Ok, Fernand ? Ouais, tu vas y aller maintenant, parce que là tu commences à me saouler. Ça pousse ou pas ? Ça pousse grave. Allez, casse-toi. Salut ma chatte. Salut ma chatte. Et pour terminer ? Allez, lapin. Attends, lapin. Jingle. Bonsoir à tous, ici Camille, la première dauphine de Miss France sur Énergie. Là, je suis là pour écouter le polo show. Camille, rappelle-moi. C'est déjà parce qu'elle a été considérée par beaucoup de gens comme blasphématoire. Et oui, Camille ne veut plus me parler hein, suite à notre altercation sexuelle. Enfin, c'était amoureux, elle a mal pris les choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein ? Je suis un sex symbole quand même, je suis un tombeur, hein, public ? Le public ? La folie. Mais parle plus fort, tu crois que les gens t'entendent ? Crétin de public, va. Bon, qui es-tu ? C'est toi, arrête de parler comme ça. Allô ? Allô, t'es un chasseur. Allô, mon petit lapin, comment ça va ? Allô ? Allô ? Oui, qu'est-ce qu'il a, mon lapin ? Mon petit lapin à moi. J'aimerais bien te mettre mon petit fils. D'accord. Comment t'expliquer ? Tu n'es pas dans un asile ici, cher ami. Je sais. Alors tu vas dégager tout de suite. Voilà. On va faire... Comment dire ? Il est là. Attends. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Merci d'avoir écouté le polo show. J'espère que tout le monde est parti. Hein, parce que moi, j'écouterais pas si j'étais fou. J'écoute pas une merde pareille. Et on va faire, il est là. Nico, c'est là. Salut, Bolo. Salut, Nikos. Salut, Bolo. Bon, alors, dans quelques instants... dans quelques instants, la suite, la rediff du 6-9. Ouais. Ouais, donc on appellera Bernard Tapie, car comme tous les matins... Comme tous les matins, on essaye de réveiller un people au téléphone. D'accord. Voilà, alias Bernard, Burnard. Ok, bah merci Nikos. Bah écoute, ça me fait plaisir, mon loup. Quant à moi, je reviens demain, juste après le warm-up de Miklin. Et je serai là, dès minuit 12. Minuit 16, voilà. Merci Nikos. Salut, mon loup. Salut. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.